fimu tollu ni nek apprendre à la maison tabina ci ñaare lu djego bo xamne bi da ci fassiyene and ak radio communautaire ngir jëmmal duggu radio communautaire ci apprendre à la maison nak ministère de l'éducation nationale dafa khatim ak urac di kurel gi len jaboté ab dego bo xamne bi limu jur moy leçon yépp yi ñuy def dañ koy jaarale légui ci radio communautaire kon nak yeen élève yi yeen jàngalé kat yi yeen wajuru ndonga yi fep fu ngeen mëna nek ci réew mi man ngeen téwlu leçon yi jall ci radio communautaire leçon yi nak dina jall ci radio yi ci suba ci ak ci ngone ci ci calendrier bo xamne bi comité local bu nek moy xol ni mu koy terelé aujourd'hui c'est dimanche il est 16h Claire éducative une émission présentée par Zinorba. Je suis Mikaël Diop, inspecteur de l'éducation et de la formation de Tamba Konda. Je suis l'émission Point éducatif de Junior Ba tous les dimanches de 16h à 18h. C'est une émission très instructive. Je vous la recommande. Babacar Diop, inspecteur d'académie de Tamba Konda. Déjà, c'est mon cher Lalla. Inspecteur Ward, je vous invite tous à suivre le coin éducatif, notamment les élèves, les parents d'élèves, les enseignants. Je suis Madame Diallo, responsable d'équipe Enda Jeunesse Action Tamba. Je suis votre émission coin éducatif chaque dimanche de 16h à 18h. Donc avec Junior Ba, que vraiment je vis que c'est des émissions de taille et de valeur parce que ça va permettre à l'enfant de rester à la maison et de suivre l'émission et de vraiment renforcer ses capacités. Je me nomme Abdoulaye Soare, responsable suivi et évaluation des conseils de développement de quartier en même temps président du collectif des présidents de CDQ. Je suis l'émission coin éducatif avec Junior de Alcoma chaque dimanche de 16h à 18h. Je me présente, c'est Cherci Soro, maître d'application à Tamba Konda. Je suis chaque dimanche l'émission coin éducatif de 16h à 18h avec Junior Ba. C'est Maudou Diouf, Kodak Nyari Tukler. Nous suivons l'émission coin éducatif avec Junior Ba tous les dimanches de 16h à 18h. Bounama Kanté, enseignant de formation, adjoint au maire de la commune de Tamba Konda, chargé de l'éducation et la santé. Particulièrement séduit par l'émission coéducatif, je la suis tous les soirs à partir de 16h sur Alcoma FM avec Junior Ba, une grande émission que nous suivons avec beaucoup de fierté. Merci. Je m'appelle Hussein Mouguin, je suis le coordonnateur de l'agence régionale de la petite enfance et de la case des tout petits de Tamba Konda. Je suis l'émission Point éducatif avec Junior Ba. Les autres immigrants, estamos escuchando Point éducatif, Radio Alcuma, con Junior Ba. Assalamu alaikum, c'est Madame Diallo, surveillante générale CMT SAP, c'est M. Suleiman Aïe. Chaque dimanche à partir de 16h, je suis à l'écoute de l'émission Coin éducatif sur la 107.0, émission animée par Junior Ba. Et j'invite tous les acteurs de l'éducation à faire de même pour suivre toutes les informations par rapport à l'éducation au niveau régional et au niveau national. Madame Hébron, émission Coin éducatif. Pour Junior Ba, on est en train de faire. C'est Abdou Diouf, je suis en service dans le Makakuli Bantan. J'écoute l'émission Coin éducatif de la radio Alcoma tous les dimanches de 16h à 18h avec Junior Ba. Radio Diallo depuis Vilingara, de tout cœur avec l'émission Coin éducatif. Nous les étudiants ressortissants de Tamba, nous écoutons l'émission Coin éducatif avec Junior Ba sur la radio Alcoma tous les dimanches de 16 à 18. Nous sommes parents de l'Ambara, l'émission Coin éducatif, dimanche, ni 4h, radio Alcoma, avec Junior Ba. Nous les élèves du collège, nous écoutons l'émission Coin éducatif avec Junior Ba. Je m'appelle Kamine Kaba, je suis le chef de la division documentation du programme de la RD Tamba Konda, initiateur du jeune ANER dans la commune de Tamba. Je suis coin éducatif comme tout le monde. Félicitations à Junior Ba et à Alcoma. Merci beaucoup. Je me nomme Sarendom, directeur de l'école de Mélia. C'est dans l'IF de Goudiri. Donc nous sommes de tout cœur avec vous pour écouter l'émission coin éducatif. C'est Assiette Kouate, Madame Diaw. Donc présidente départementale de la SCOFI, comité départemental pour la promotion de la scolarisation des filles. Point éducatif, mom, dañ ko rafetlu. Et c'est venu à son heure. Parce que lolo manqué won Tamba. Il fut de temps dans on âme. Mais après, deug tout si dara. Parce que aussi deug la jangalé bo jélé muy xalé muy jangalé kat yi. Ci kat muru lañuy nek. Buñu paré génn nañ. Mais tamit liñuy jëf ci biir école yi danaka askan bi ci ginaaw muy parents d'élèves yi, muy communauté bi war nañu xam lan mo xew ci biir école yi. Point éducatif. mais après deug ton ci dara parce que nga xamné tay alkuma mom la initiété tay yow nga koy doxal ñu dañ ko rafetlu ndax tax nañu tay suñu voix genn na nit ñi ñi ñi deug ñi nga xam lan lañuy dund ci biir école yi lan la xalé di dund ci biir école yi lan lañu bëgg fan lañu bëgg jëm parce que tay dañu wara xamné école nekatul problème bo xamné maître xalé bi la ak autorité académique nekatul lolu c'est-à-dire école dañu né bo jëlé école école la ouvert au milieu donc ñepp ñi xamné ay parents de la nek ci biir lepp lu nek ci biir école dañ ko ré mais gis nañu tay lepp li nga nek di def ci coin éducatif man dé vraiment j'apprécie heure bi su jotté dama koy déglu parce que dama xamné li ça m'intéresse fof lay mëna tok mëna xam ban problème mo am telle école ban problème mo am tel département wala ban problème mo am tel al suma ci mëna def dara ma mëna def kenen su ci mëna def dara ma mëna def té lolu ngeen di def nak di ñaan yalla mu gëna jëm kanam parce que même tay le fait que ngeen bolé ci élève bi man moma ci gëna neex élève ñu leen di dégg ci radio ñuy ñëw di wone seen xam xam di poser question ci xalé ñuy wax lolu yëp day tax ni ñu mëna xam maître li ñu nek di def ci biir classe mais xalé tamit lañ mëna lan lañu japp té defena wajur bu né lolu boko dégg dañ ci wara motax képp ku ci mëna sanni sa grain de sel ndax ba xamné émission bi day jëm kanam nako ñëpp def aussi pour mu gëna jëm kan vraiment j'apprécie beaucoup cette émission là coin éducatif radio Alkuma. Aujourd'hui c'est dimanche, il est 16h. Une émission présentée par Zinorba. Bienvenue dans votre émission Coin éducatif. Vous êtes élève, étudiant ou enseignant. Vous êtes parent d'élèves. Vous êtes acteur de développement public ou privé. Vous êtes patriote. Ceci vous concerne. Imaginez une grande maison. La grande maison, c'est celle de l'éducation. Aujourd'hui, une préoccupation de l'État du Sénégal. Coin éducatif. 100% éducation. L'émission Coin éducatif se met au service exclusif de l'éducation. Tous les dimanches. N'oubliez pas que vous êtes sur. Sur la radio Alkuma FM 105.0. Tous les dimanches de 16h à 18h. Aujourd'hui c'est dimanche. Il est 16h sur la radio Alkuma FM 107.0. Votre émission Coin éducatif démarre dans un instant avec Junior Ba. Ñun parents d'élèves ñongi ci biir émission coin éducatif ndax mo ñi wax lu xew ci école yépp. Nous les partenaires de l'école, nous sommes de tout cœur avec l'émission coin éducatif. Une toute nouvelle émission présentée par Junior Ba sur la radio Alkuma FM 107.0. Coin éducatif, l'éducation est notre domaine de prédilection. L'émission coin éducatif tous les dimanches sur la 107.0 radio Alkuma FM. Voilà, le rendez-vous hebdomadaire, bien sûr, des acteurs de l'éducation de Tambacounda. Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Coin éducatif. Coin éducatif, donc, tous les jours, je veux dire tous les dimanches, donc de 16h à 18h sur la 107.0 Radio Alkuma FM. Merci de nous rester fidèles à partir de chez vous. Merci également de regarder sur Facebook Light, Dr Junior, donc le directeur de cette émission Coin éducatif. Merci également à tous les acteurs éducatifs qui ne cessent d'appuyer cette émission. Merci à vous. Merci à la technicienne d'aujourd'hui. Donc, je vous nomme Mam Diara Faye. Junior Ba à la présentation. Aujourd'hui, donc les cibles sont déjà vendues sur les réseaux sociaux. Nous aurons M. Amadi Guindo, président de la Ligue de basket de Tambacounda. M. Guindo, bonjour. Bonsoir monsieur Ba. Mm-hmm. Donc vous me permettez d'abord de remercier par rapport à cette invitation là. Mm-hmm. De dire bonsoir aussi aux fidèles auditeurs et auditrices de Alkuma FM. Mm-hmm. Et avec qui aussi je partage le plateau aujourd'hui. Mm-hmm. Surtout il y a des élèves de CM2 de 3e qui sont là. Mm-hmm. Et félicitations. Mm-hmm. Parce que je sais que vous avez réussi à votre BFM. Mm-hmm. Et que ça vous porte chance. Mm-hmm. Voilà. Machallah, merci beaucoup. Monsieur Guindo, donc président de la Ligue de basket de Tambacounda. Hein? Oui. C'est bien ça, voilà. Nous avons également Monsieur Baguedi, notre consultant en ce qui concerne les examens. Monsieur Baguedi, bonsoir. Bonsoir, Junior. Bonsoir aux auditeurs de Alkuma FM. Et bonsoir à tout le monde. Très heureux aussi de me retrouver dans ma maison. et de partager encore le plateau avec ses enfants et M. Guindo. Et je suis très ravi. Machallah. Il y a un élève qui m'a dit, Junior, moi je t'écoute très souvent, mais parfois tu dis bonjour, parfois tu dis bonsoir. Je lui ai répondu que je suis le talibé de la maison, hein. C'est moi Junior, je fais ce que je veux. En principe, jusqu'à 18h, c'est bonjour. En tout cas, bonjour, bonsoir, l'essentiel c'est que c'est une salutation. Donc, voilà, l'essentiel c'est de répondre. Oui. Voilà, donc nous avons également les élèves donc, qui seront en classe de seconde et qui ont réussi vraiment de façon brillante, donc admis d'office au BFM. Parmi eux, nous avons Fatou Diko du collège de 15 ans Bogou. Fatou Diko, bonsoir. Okay. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Fatou Diko, nena yow ki ngay def li sax sem do ngay def nga ne 3e ngay def. 3e lay def. 3e ngay def. Ça va bien. Ça va, et la journée? Ça va. Alhamdoulilah, tu habites où? 15 ans Bogou. Parle un peu fort. 15 ans Bogou. Oui, 15 ans Bogou. Ah, au quartier 15 ans Bogou. Oui, au quartier 15 ans. OK, tu es au collège de 15 ans Bogou. Oui. OK, tu as passé donc ton cycle primaire où? Au primaire 15 ans Bogou. Ouais, primaire de 15 ans Bogou. Oui. Ok, donc aujourd'hui également, après le BFM, tu vas aller où? Lycée Mamcher ou bien Mamcher Mbaye. Très bien, Mashallah. Donc elle, c'est bien sûr Fatou Diko, de l'école du collège de 15 ans Bogou. Nous avons également Aminata Sissoko, du collège de Tierno Suleiman Altesa. Aminata? Oui. Bonsoir. Bonsoir, oui. Ça va bien? J'ai très voilà. Bien. Toi, il me semble que tu es plus free, quoi, en fait. Hein? tu es contente? Oui. Ok, tu habites où? J'habite à Bakel, mais là je suis là pour apprendre à Tamba ici. Ah, tu habites à Bakel? Oui. Maintenant tu es venu ici apprendre à Tamba. Ah, pourquoi tu as quitté Bakel pour venir ici à Tamba? Manger notre lit, nos pâtes, etc. Mais tu te plais ici à Tamba quand même? Oui. Ok, tu ne vas jamais oublier Tamba puisque tu as eu ton BFM ici? Non, jamais. Tu comptes continuer tes études ici? Oui. En tout cas, plein de succès. Pour le reste, nous avons également le pertinent, mon ami, l'homonyme de mon fils, Mohamed Tine de l'école TSA. Mohamed Tine, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Ça va, et la journée, ça se passe bien? Oui. Mohamed, tu habites où? J'habite à HLM 1. HLM 1? Oui. Ok, tu es au collège Tierno Suleiman Agne? Oui. Ok, toi aussi, tu as réussi d'office? Oui. Mashallah, tu es content? Super content. Il ne faut pas arrêter de sourire. Hein? À deuxième du centre. Ah, ça, il faut le souligner. Mashallah. Alors, je fais un appel du pied à notre directeur. Hein? Le téléphone est cadeau. Yeah. Parce que deuxième du centre, monde, il est en exclusivité. Vraiment, il mérite un cadeau. Avec bien sûr tous les élèves qui sont admis d'office. Alors, nous allons commencer bien sûr la discussion par Mouché Guindo de façon traditionnelle. Donc, nous avons l'habitude ici à chaque invité. Donc de procéder à la présentation, parlez-nous un peu de votre cursus. Bref, qui est Guindo? Alors, Monsieur Guindo, c'est qui? C'est une modeste personne née à Tamba en 1975, précisément le 22 février. Fils de Djibril Guindo, j'ai grandi à Tamba. Tout ce que j'ai, c'est Tamba qui me l'a donné. J'ai fait ma formation à l'IFI de Kola en 2001. Depuis lors, je suis dans l'IEF de Tamba comme enseignant. Et depuis 2008 aussi, je suis maître d'application. J'ai fait 2 ans à Bounama Diallo et pratiquement maintenant 8 ans ou 9 ans à Medina Koura. En même temps, il y a une autre casquette qui est le président de la Ligue de Tamba. De la Ligue de Tamba, Safoullah. Donc c'est quelqu'un aussi qui a joué au basket. Qui a joué au basket depuis tout petit, étant Benjamin, minime, jusqu'à l'âge senior. Donc j'ai arrêté en 2003 pour continuer maintenant à diriger. Donc en quelque sorte, je suis un fils de Tamba. Né ici, grandi ici. Tout ce que j'ai, c'est Tamba qui me l'a donné. Et je suis fier d'être un Tamba Koundoua. Voilà, parce que j'ai eu mon BFM à Tamba. J'ai eu mon bac en Tamba en 95. Donc je continue encore à servir Tamba Kunda, ok. Voilà. Mashallah, donc là c'est clair, vous avez dit tantôt que vous avez fait du basket. D'où vous est venue cette passion-là du basket? Bon, moi je viens d'une famille de sport d'abord, hein. Il faut dire que j'ai eu un oncle qui est troisième degré de basket en la personne de Tidiane Guindo, qui est actuellement à Thiès. Il est entraîneur troisième degré de basket. Mon frère père aussi, Djibril Guindo, il fit troisième degré de football. Il a passé pratiquement ses degrés au Paris Saint-Germain, mais il est décédé en 2007. Donc je viens d'une famille de sport. Ce qui j'alternais le handball, le basket et le football en même temps. Mais par la suite que je me suis dit que est-ce qu'il n'y a pas lieu que je me lance direct complètement dans le basket. C'est depuis les années 80. Depuis lors, j'ai pas arrêté aussi. Il m'arrive de temps en temps de passer au terrain, de jouer avec les gosses, ainsi de suite. Donc pour l'histoire, c'est que je viens d'une famille de sport. Sport, ok. Voilà. Donc vous êtes passionné du basket. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour ne pas continuer à se lancer, aller dans les clubs, essayer de jouer un peu? Bon, j'ai compétié sincèrement parce que depuis le Niani, depuis le Niani qui était là, après le Niani c'était le Coton Sport. Maintenant, ça fait 16 ans que nous avons créé notre propre club qu'on appelle le Tamba Sport Basket, qui a évolué en deuxième division il y a 2-3 ans de cela. Donc on était en première division, nous avons évolué pendant 2 ans. Malheureusement, bon, on n'a pas eu la chance quand même de nous maintenir. Donc ça ne m'a pas traversé quand même l'esprit de continuer à jouer, d'autant plus que le basket n'est pas professionnel au Sénégal. Donc il fallait me consacrer d'abord à mes études, ce que j'ai fait et je n'ai pas regretté. Donc il m'arrivait de temps en temps d'aller jouer ainsi de suite. Donc moi je m'étais fixé comme objectif quand il fallait réussir dans les études et alhamdoulilah Dieu m'a aidé. Et j'ai continué après l'université de pratiquer le basket. Voilà. Vous y connaissez un peu en basket. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui fait la particularité du basket par rapport aux autres sports? Donc on dit même que le basket a plus d'argent que le foot, en tout cas pas ici au Sénégal. Mais parlez-nous un peu de sa particularité par rapport aux autres sports. Vous savez, le basket d'abord c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. Et puis c'est ce qu'on dit, il faut être artiste pour le faire, pour le pratiquer. Non seulement il y a l'aspect physique qui est là, mais c'est plus l'aspect technique, tactique, l'aspect mental qui privilégie au niveau du basket. Alors, c'est vrai que les gens disent qu'il y a de l'argent, mais ça, il faut aller en NBA, hein, National Basketball Association. Mais sinon, au Sénégal, pratiquement, il n'y a que des clubs comme la douane, peut-être le Duc, ou les militaires avec l'ASFA, voilà, qui sont bien organisés, qui payent énormément d'argent. Mais pratiquement les clubs du Sénégal sont considérés des clubs traditionnels et tout le monde sait comment les clubs là fonctionnent. Alors, il faut être professionnel hein, pour dire, c'est vrai, que ça soit dans le football, que ce soit dans le handball ou dans d'autres sports, et il faut que le sport d'or soit professionnalisé pour que les gens quand même puissent bénéficier là de pas mal d'argent. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de milliardaire basket, d'autant plus que Gorgui Sidien qui évolue en NBA, qui n'arrête pas de contribuer pour le développement des hôpitaux, qui chaque année il met du matériel sur place, il n'arrête pas aussi d'appuyer les équipes nationales, ce qui est important. Donc à part lui, il y a certains aussi qui le font. Ok, et également présentement vous êtes le président de la Ligue de basket. Parlez-nous un peu votre histoire avec cette structure pour en devenir aujourd'hui le président. Alors, donc c'est depuis janvier passé, le 5 janvier passé, que j'ai été élu comme président de la Ligue régionale de basket de Tambacounda, à l'issue des élections, des renouvellements. Donc j'ai fait pratiquement 20 ans au niveau du secrétariat général de la Ligue de Tamba, pour vous dire. Au moment même où je jouais, j'étais en même temps secrétaire général de la Ligue et en même temps secrétaire général du club. Pour dire que il y a longtemps que je gère l'administration quand même de l'équipe, surtout avec Thomas Camara Keita qui était là, il était professeur d'EPS, il est à Dakar présentement. Et j'ai aussi travaillé aux côtés de Maïssa Mbaye Fall, qui est l'ancien président de la Ligue régionale de basket. Il est en même temps aujourd'hui au niveau de la Fédération sénégalaise de basket. Donc c'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup apprécié aussi et qui m'ont beaucoup aidé à progresser. Bon, quand il a s'agit maintenant d'être président, donc ça a été très facile parce que comme je connaissais un peu comment fonctionnait la structure, donc j'ai été président au mois de janvier passé. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore mené d'activité. On va y venir après. Tout à fait, oui. Il y a des activités cause de COVID-19 qui ont fait que la Ligue n'a pas réellement fonctionné comme elle le voulait. Mais Inch'Allah, d'ici peu, et vous allez voir les activités que nous allons mener au niveau de la Ligue régionale de basket de Tamba. Tout à fait. Exactement, 16 heures passées de 24 minutes sur la zone de la 107.0. Comme vous l'avez très bien suivi, donc nous avons sur le plateau aujourd'hui M. Amadi Guindo, président de la Ligue régionale de basket de Tambacounda. Nous avons également M. Baguedi, professeur, par ailleurs consultant de l'émission Coin Éducatif en ce qui concerne ces examens. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir ici des élèves admis d'office au BFM, Mohamed Tine du collège TSA, Fatou Diko du collège Kenzan Mbougou et Aminata Sissoko du collège Tcherno Souleymane Agne. Alors tout à l'heure, on va ouvrir la ligne téléphonique. Il y a des parents ou bien même des élèves qui veulent intervenir pour féliciter leurs enfants et autres. Monsieur Amadi Guindo, donc justement, vous avez tout à l'heure parlé des activités, malheureusement, que vous n'avez pas eu l'occasion d'organiser depuis janvier à cause de l'avènement de la COVID-19. Ces activités faisaient référence à quoi exactement? Alors, parce que pour vous dire, Monsieur Ba, nous sommes une structure régionale. Uh-huh. Donc il fallait d'abord décentraliser, ça a créé des districts au niveau des départements. Uh-huh. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a la COVID qui est venue. Donc on avait prévu aussi d'organiser des tournois ou des championnats au niveau même local. Uh-huh. Parce qu'au niveau de Tamba quand même, au niveau simplement du département de Tamba, pour l'instant nous n'avons que 3 clubs. Uh-huh. Et donc il fallait faire compétir ces équipes-là, ensuite essayer de voir comment jouer au niveau du championnat national, championnat national D2. Uh-huh. Ensuite, il y avait... Comment dirais-je, on a prévu aussi d'organiser des cours de vacances que nous allons venir après. Tout à l'heure, oui. Nous allons en parler après. Mm-hmm. C'est des cours de vacances que la Ligue de basket a initié cette année. Mm-hmm. D'autant plus que il y a nos enfants qui sont là depuis le mois de mars qui n'ont pas travaillé quand même. Mm-hmm. Surtout les classes intermédiaires. Mm-hmm. Moi, je ne vous le dis pas parce que je tenais une classe de CM2 cette année. Mm-hmm. Donc, ces élèves-là, ils ont fonctionné jusqu'au 18 août. Mm-hmm. Mais malheureusement, il y a les classes intermédiaires qui n'ont pas travaillé. Alors, nous, au niveau de la Ligue, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut aller chercher les moyens et faire travailler ces gosses-là pendant ces vacances-là. Mmh. Donc, c'est une autre activité que nous avons créée et nous allons après entrer dans les détails. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de programmes qui sont là que nous voulons mettre en place, et des activités de reboisement, ainsi d'activités de don de sang. Mmh. Mais malheureusement, il faut quand même qu'on puisse avoir des soutiens, des moyens, ainsi de suite, pour pouvoir bien dérouler ces programmes-là. Voilà. Merci beaucoup à Baba Gay et à tous ces internautes qui sont en train de nous suivre sur Facebook Live. Merci à Sona Djemé Sané. Voilà, merci à Sonia. Merci également à Baba Gay. Bonsoir Monsieur Ba. On est de tout cœur avec Coin Éducatif. Félicitations aux candidats qui ont réussi au BFM et bonne continuation à ceux qui subiront le deuxième tour. Merci Baba Gay. Alors, vous l'avez tantôt brossé, c'est l'événement présent. C'est tout simplement les cours de vacances que la Ligue régionale de basket va organiser. En réalité, qu'est-ce qui a motivé la Ligue à s'investir dans l'éducation? Bon, on s'est dit que d'abord, moi personnellement, je suis enseignant. Mmh. Je suis enseignant, j'ai mes enfants qui sont au niveau de l'élémentaire. Mmh. Ma fille aînée, elle fait la 5e cette année. Mmh. On s'est dit pourquoi au niveau de Tamba, pourquoi les gens ne se focalise simplement que sur le sport, le domaine du sport. Mmh. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à travers le concept sport et études, donc cela veut dire que ça peut aller de pair. On peut les aller, oui. Alors, okay. Donc nous avons un peu discuté par rapport à la chose au niveau du comité directeur. Et nous avons aussi demandé soutien à notre président de fédération qui n'a pas hésité à le faire. Mmh. Donc il nous a répondu favorablement. C'est par la suite aussi que je suis allé rencontrer des autorités administratives et académiques comme l'UIF de Tamba, qui a apprécié l'initiative, en même temps que l'inspecteur régional des sports, au passage Ousmane Diagne, que nous saluons. Une petite parenthèse par rapport à cet inspecteur-là, donc depuis la mise en place de cette ligue-là, qui n'a pas arrêté de nous soutenir. Alors, donc on s'est dit, au niveau de la fédération, pourquoi ne pas créer d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le sport simplement? D'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a le concept sport et études. Donc, après réflexion, nous avons mûri cette idée-là. Et quand la fédération a décidé de nous accompagner, nous avons décidé aussi d'organiser ces cours de vacances-là gratuitement. Uh-huh. Pour vous dire, les inscriptions ne sont pas payées, la mensualité n'est pas payée. Tout est pris en charge par, au niveau de la Ligue régionale de Tamba. Donc c'est la Ligue qui prend tout en charge. C'est l'accompagnement des enfants, l'accompagnement aussi des enseignants qui seront volontaires pour venir accompagner nos gosses là. Parce que je lui dis, c'est un acte humanitaire, c'est un acte citoyen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pour ces enfants-là, c'est Dieu qui va nous le rendre demain. Alors, donc on a prévu de commencer les cours de vacances à partir du 5 octobre à l'école Medina Koura et les inscriptions déjà ont démarré. Donc comme je l'ai dit tantôt, les inscriptions sont gratuites, les cours aussi, il n'y a pas de mensualité à la fin du mois pour dire que tout est gratuit. Donc ça va concerner les classes de CP jusqu'au CM1, donc les classes intermédiaires qui vont travailler pendant tout le mois d'octobre, Inch'Allah. Alors nous avons commencé aussi à contacter certains enseignants qui nous ont donné leur avis. Inch'Allah, on va tout faire pour que ce programme-là, pour que ce projet-là soit mené à bien. Ok, voilà. Merci beaucoup également à l'inspecteur Modou Wade. Bonsoir, M. Ba. Bonne émission. Merci à vous, inspecteur. Nous avons également M. Cissé de l'école d'application Gouy. Big up à mon ami et frère M. Guindo, un grand soldat du développement, que ce soit le sport ou l'éducation. Maximum de respect, bro. Donc voilà, merci beaucoup, M. Cissé, de l'école d'application Gouy. Par ailleurs, un conseiller de cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui nous envoyez des messages à partir de Facebook Lite. Et tout à l'heure également, nous allons ouvrir la ligne téléphonique. Voilà, d'ailleurs, ma technicienne me signale que déjà c'est ouvert. Vous pouvez faire le 88 428 14 32 ou bien le 88 628 28 77, 88 428 14 32. Ou bien le 88 628 28 77. Voilà, donc pour entrer dans cette émission et évidemment participer à votre manière. Monsieur Guindo, vous l'avez dit, donc les cours démarrent à partir du 5 octobre et ça se passe à l'école élémentaire de l'école d'application Medina Koura. Voilà, donc l'effectif limite que vous attendez là-bas tourne autour de combien d'élèves? Parce que pour vous dire vrai aussi, hein, je disais que l'autre jour à l'inspecteur Wade, même à l'IEF de Tamba, comme quoi que nous allons tout faire pour respecter les mesures barrières, très important. Voilà, tout à fait. Il y a le protocole sanitaire qui est là, donc nous ne pouvons pas aussi mettre en danger la vie d'autrui. Donc tout ce que nous allons faire, c'est que ça sera juste des classes qui sont limitées. C'est de 20 à 25 élèves, maxi 25 élèves par classe. Donc nous allons à Medina Koura, nous allons doubler les CP, les C1, les C2 et les C1. Alors nous sommes en train aujourd'hui encore de chercher des moyens additionnels pour pouvoir ouvrir d'autres sites, que ça soit à Kinzambou, que ça soit à Plateau, que ça soit aux abattoirs ou à Sare Guilel. Parce qu'on ne peut pas simplement se figer à Medina Koura, d'autant plus qu'il y a des gosses qui ne peuvent pas se déplacer de Gourel Diadé à Medina Koura. Voilà. Ça sera un peu compliqué. Justement, c'est le problème, parce qu'un ami à Gouy, aujourd'hui, même ce matin, m'a signalé ça. Il m'a dit que j'ai vu que vous avez posté sur votre page Facebook que vous allez inviter le président de la Ligue régionale de basket. Et justement, il va organiser des cours de vacances gratuits. Mais comment nous allons faire pour quitter Gouy chaque jour et partir à Medina Koura, c'est un peu difficile. Donc c'est fort probable qu'il y ait d'autres sites. Parce que c'est ce que compte tenu aussi des moyens. Aujourd'hui, nous n'avons que l'appui de la Fédération sénégalaise de basket pour l'appui simplement, un appui financier. L'inspecteur, l'IEF nous a promis un appui en matériel en même temps que l'inspecteur régional des sports. Donc nous allons continuer quand même d'ici le 5 de voir avec d'autres partenaires, de voir avec d'autres personnes de bonne volonté qui sont dans le département, essayer de voir, leur expliquer réellement de quoi nous voulons faire le projet. Si nous avons des ressources additionnelles, c'est sûr et certain que non seulement nous allons ouvrir d'autres centres, mais nous allons aussi extendre cela même au niveau du moyen secondaire. Parce que c'est ça l'objectif. Mais comme c'est une première et manque de moyens, on a préféré d'abord commencer par Medina Koura, essayer de voir comment ça va se passer. D'autant plus que c'est gratuit. Si c'était payant, nous allons ouvrir d'autres sites. Tout à fait. Mais comme c'est gratuit, les inscriptions sont gratuites, il n'y a pas de paiement. Donc on ne peut pas aussi s'engager à ouvrir des sites et sachant que nous ne pourrons pas prendre en charge ces enseignants qui seront là-bas. Parce que quel que soit Alpha, il faut leur donner quand même le prix du carburant. C'est vrai que c'est un acte citoyen, mais il y a des enseignants qui sont là, ils sont en train de se sacrifier. Jusqu'à présent, il y a certains qui sont en train de travailler avec le BFM. Imaginez-vous qu'il faut leur demander encore de faire un autre sacrifice pour tout un mois. quel que soit Alpha, quand même, il faut, même si c'est le carburant, il faut quand même prévoir cela ou même le petit déjeuner. Tout à fait, oui. Donc nous sommes en train de chercher des moyens, nous sommes en train de discuter, surtout avec Mamadou Lamine Lam, qui est le président de la zone 1B de Tamba. Lam, oui. Et avec mon jeune frère aussi, Mohamed, qui est au, Mohamed Guino, qui est au niveau de la zone 1A. Que nous saluons au passage d'ailleurs. Oui. Voilà, donc nous sommes en train de chercher d'autres moyens. Si tout est là, mis en place, je pense que nous allons ouvrir ces sites-là et extendre ça au niveau même du moyen secondaire. C'est ça l'objectif. Okay. Mais pour l'instant, le site qui a été choisi, c'est Medinakura. Les inscriptions se passent là-bas parce que depuis la semaine passée, mercredi ou jeudi passé, j'ai commencé les inscriptions. Mm-hmm. Donc, nous sommes là-bas de 10h pratiquement à 13h. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord commencer. Parce qu'avoir l'intention et commencer, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Parfois, il y a des gens qui ont un projet, ils disent nous avons l'intention, ils sont appuyés, mais réellement, ils ne le font pas. Jamais, oui. Alors, nous, au niveau de la Ligue Basket, c'est que nous allons le faire. C'est un projet qui est là et nous allons le faire, Inch'Allah. Parce que les moyens commencent à venir déjà. Mm-hmm. Nous avons au moins 6 enseignants qui sont disponibles. Mm-hmm. Et moi-même, j'en fais partie. Mm-hmm. Donc, quel que soit Alpha, on va commencer d'abord. Maintenant, tous ceux qui viendront nous trouver par rapport à ce projet-là seront les bienvenus. Mmh. Et je pense que c'est ça, que ce soit les enseignants, que ce soit les ONG, que ce soit les autorités locales ou administratives. Nous sommes preneurs par rapport à tout soutien. Quoi. Ok, par rapport au chronogramme, qu'est-ce qui a été retenu? Est-ce que c'est tous les jours, de quand à quand? Voilà, donc c'est du lundi au vendredi. Les cours vont se dérouler du lundi au vendredi. Comme au temps normal. Au temps normal, mais à partir de 9h. 9h midi. Mmh. Et pour information aussi aux parents, nous ne faisons que français, nous allons renforcer. En français, les renforcements vont se faire en français et en mathématiques. Mmh. Parce que le constat, c'est qu'au niveau même des écoles maintenant, la problématique aujourd'hui se trouve au niveau des mathématiques et du français. Right, et on ne peut pas être un bon mathématicien sans comprendre bien le français. Mmh. Moi, cette année, je le disais au littéraire, au lycée Mamchamba, j'ai dit, moi, comment se fait-il que des littéraires qui ne peuvent pas même pas résoudre une équation en mathématiques. Mm-hmm. Donc, il faut être d'abord là, un bon littéraire pour mieux traiter les problèmes en mathématiques. Mm-hmm. Donc, on va faire les renforcements en français et en mathématiques. Mm-hmm. Maintenant, s'il y a lieu de faire autre chose, nous le ferons. Mais pour l'instant, nous avons décidé de faire le français et d'accentuer aussi par rapport aux mathématiques. Uh-huh. Mais ça va se passer de 8h à midi, même au-delà de midi, aller jusqu'à 13h. Voilà, c'est du lundi au vendredi. Lundi au vendredi, 9h, 13h. 9h, 13h, d'accord. 13h. Ok, alors par rapport aux cibles également, vous avez tout à l'heure parlé des classes intermédiaires. Effectivement, ça va concerner les classes intermédiaires. Uh-huh. Bon, c'est vrai que d'aucuns vont nous demander pourquoi pas les CI ni les CM2. Uh-huh. Non, les CI, c'est un peu compliqué parce que l'année passée, ils n'ont pas été trop loin dans le programme. Mm-hmm. Donc, nous allons faire des renforcements. Mais, comme je l'ai dit aussi, on peut prendre des élèves de CI, sachant qu'ils ont un bon niveau mm-hmm. et qu'ils peuvent traiter avec des élèves de CP. Mm-hmm. D'autant plus, c'est pratiquement le même programme. Mm-hmm. Donc, c'est du CP au CM1. Pourquoi le CM1? Parce que ce sont les élèves de CM1 qui vont faire le CM2 l'année prochaine. Et c'est juste des renforcements aussi, pour dire qu'il n'y a pas d'acquisition, ce n'est que des renforcements par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait. Et si essayer de voir comment les accompagner par rapport au reste du programme de l'année passée. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, Inch'Allah. Ok, donc des cours de vacances gratuits, organisés par M. Guindo, président de la Ligue de basket de Tambacounda, donc la Ligue régionale. Alors, au sortir, M. Guindo, de ces cours, qu'est-ce que vous attendez réellement? Quel est l'objectif réellement que vous attendez de ce projet? Non, c'est juste que le projet soit pérennisé. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas simplement commencer cette année et dire que parce qu'il y a un contexte qui est là mm-hmm. et qu'il faut s'arrêter. Non. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord cette année, aider nos enfants, aider nos fils. Et l'année prochaine, essayer de voir comment mieux organiser encore ce projet-là. Et commencer très tôt, avoir un mois, 15 jours, pourquoi même pas 2 mois. Mm-hmm. Parce que quoi qu'on puisse dire, pendant ces vacances-là, on n'a rien à faire. Hein. Mm. Les gens ne passent pratiquement tout leur temps après soir du thé ou les enfants sont à la maison en train. C'est vrai, il faut parfois se reposer. Mm. Mais à chaque fois, il faut essayer de voir comment consolider les problèmes que nous allons décerner même au niveau de l'éducation avec l'appui du bureau qualité au niveau de l'IEF. On va essayer de travailler avec ces gens-là. Essayer de voir quels sont les problèmes qui sont aujourd'hui au niveau de l'élémentaire, au niveau du moyen secondaire, et essayer de voir comment les régler pendant ces cours, pendant ces vacances-là. Donc je pense que c'est un projet qui ira à long terme. En tout cas, tant que moi je serai président de la Ligue de Tamba, ce projet-là sera pérennisé. Et à partir de maintenant aussi, nous allons commencer à avoir les moyens, nos propres moyens, avoir des partenaires et essayer de voir comment extendre cela aussi au niveau même de la région, pas simplement au niveau du département de Tamba, comme nous sommes une structure régionale, essayer de voir comment amener ça au niveau de Goudiri, Kopentoum et même au niveau de Bakel. Voilà. Ok, vous avez également parlé de bénévolat en ce qui concerne les enseignants. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ces enseignants-là? C'est pas des propositions ou bien des enseignants qui confirment effectivement pouvoir venir et faire des cours de façon bénévolat? Bon, il y a certains quand même que de temps en temps ils disent qu'eux ils ne peuvent pas donner tout le mois, mais à chaque fois que besoin sera, ils peuvent passer à l'école, apporter leur petite contribution par rapport au projet. Et je pense que c'est bénéfique, même parce que même si c'est pour une heure de temps, il y a des gosses qui peuvent apprendre beaucoup par rapport à cette heure-là. Donc nous, aujourd'hui, que ce soit le bénévolat ou pas, nous appelons au bon sens d'abord là, de la citoyenneté. Il faut que les gens sachent que ce sont nos enfants qui sont dans les écoles-là, que ce sont les enfants de Tamba, qu'aujourd'hui, la seule satisfaction que nous aurons dans le futur, c'est une satisfaction morale. Hein. C'est pas une satisfaction pécuniaire ou quoi que ce soit, mais c'est juste une satisfaction morale, sachant que nous avons aidé ces enfants-là à devenir quelque chose, à devenir meilleurs aussi. Donc, comme je l'ai dit, moi j'appelle au sens d'abord de la citoyenneté. Je lance aussi, je profite de l'antenne aussi pour lancer un cri de cœur à l'ODECAV de Tamba. Parce que quand on prend le mouvement aussi Navetane, c'est un mouvement qui est constitué de 90% d'enseignants. Tout à fait. Oui. Donc, moi je lance solennellement un cri à Sambou Soumane, qui est le président de l'ODECAV de Tamba, au moins qu'il puisse pour mobiliser ses troupes et que les gens puissent adhérer à ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup également à Lamine Diaba, donc de l'école d'application Bounama Diallo. Félicitations mon frère Junior et big respect à mon président Amadi Guindo qui m'a tout appris dans les mouvements associatifs et sportifs en me confiant tous les postes de responsabilité. Chapeau bas mon président et bonne continuation. Donc merci beaucoup Monsieur Ba de l'école d'application Bounama Diallo. Merci à vous. Moi je vous avais confié à l'autre Guindo, hein, Mohamed, mon ami Mohamed Guindo. C'est la même chose, c'est le cadet de la famille. Je ne sais pas qui est le plus beau, tellement vous vous ressemblez. Celui qui m'a appelé hier pour me dire, tu as fait une erreur. Alhamdulillah. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois à Mouché Eba. Alors, pour ceux qui veulent dans plus d'informations, est-ce qu'il y a des contacts mis à leur disposition? Bon, à part que il y a mon numéro de téléphone, le 477-419-2448 ou le 70-733-00-90. Voilà. Donc pour autre information aussi, je suis du lundi au vendredi, je suis à l'école Medina Koura, les matins de pratiquement 9h30, 10h jusqu'à 13h, 14h. Donc il peut passer là-bas, nous contacter. De toutes les façons, moi je suis à Tamba et tout le monde me connaît ici. Comme je l'ai dit, hein, je suis né ici, les gens me connaissent très bien à Tamba. Même sous le nom de Kunter. Hein. Les gens me connaissent sous le nom de Kunter. En tout cas, voilà, donc présentement même les inscriptions sont en train de se dérouler. Hein, effectivement, donc, effectivement. À partir de demain, ils peuvent aller à l'école. Les inscriptions ont commencé depuis la semaine passée. Et les parents aussi n'arrêtent pas parfois d'appeler, demander des renseignements, ainsi de suite. C'est très important. Parce que, comme on l'a dit, c'est surtout par rapport à la gratuité. Nous ne pouvons pas faire du porte-à-porte aussi. Mais nous sommes en train de chercher des moyens de communication, des canaux qui nous permettent quand même que la population de Tamba soit bien informée. Alors, comme je l'ai dit, à Medina Koura, pour l'instant, les places sont limitées. Le temps d'avoir d'autres sites. J'invite encore les parents à s'approcher un peu de l'école Medina Koura, de venir inscrire leurs gosses et que les cours vont démarrer à partir du 5. Nous allons aussi arrêter les inscriptions au plus tard le 1er pour quand même stabiliser les effectifs, essayer d'aller encore rencontrer l'UEF de Tamba pour lui faire part de l'effectif réellement des élèves là-bas. Voilà, donc là je pense que c'est très clair. Moi déjà, depuis l'autre jour, je pense que je pense que c'était l'émission, voilà, l'émission de Maké. Donc, vous avez appelé dans cette émission pour confirmer cela. Il y a des parents qui m'ont appelé, il y a trois parents qui m'ont appelé pour demander cette information, la véracité de cette information. Donc, effectivement, donc, le président a lui-même confirmé. À partir de demain, on a commencé les inscriptions depuis la semaine dernière. Donc, à partir de demain, donc, vous pouvez aller à l'école Medina Koura pour inscrire votre enfant. Et il faut faire vite, hein, parce que présentement, il y a Tete Diallo qui ont entendu cette nouvelle. Et voilà, donc, il faut se dépêcher. Oui. Je voudrais aussi préciser, comme quoi que les mesures barrières, parce que je l'avais dit, hein, les mesures barrières sont respectées. Parce que nous aurons aussi du matériel sur place. Et tout élève inscrit qui n'a pas de masque aura un masque à l'entrée de l'école. D'accord. Donc l'inspecteur nous a promis des masques, les deux inspecteurs, des lave-mains, du gel hydroalcoolique aussi. Donc cela veut dire que nous allons tout faire pour respecter ces mesures barrières-là, Inch'Allah. Voilà, nous remercions également l'inspecteur Modouad, lui aussi qui est toujours au service de l'éducation. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appelé pour me dire, il faut l'appeler. Puisqu'il est de l'éducation, nous aussi, nous allons participer à... voilà. Donc, inspecteur Wade, lui aussi, il est un acteur incontournable de effectivement, j'ai l'habitude même de le taquiner. J'ai dit, il faut d'abord choisir votre IEF. Hein. Ensuite, moi, j'ai choisi une autre IEF. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, non, vous êtes un bosseur, vous êtes un travailleur. Et moi, là où je suis, je commence à devenir un fainéant dans le système. Mais je le salue au passage. C'est un inspecteur qui est là, qui est à l'écoute quand même de la population de Tamba. Je ne dis même pas le monde éducatif, mais qui fait un bon boulot. Félicitations à lui, félicitations aussi à l'IEF par rapport aux résultats déjà qui sont là du premier tour au BFM. L'entrée en sixième, nous souhaitons aussi que l'entrée en sixième soit de même. Parce que j'ai dit, hein, c'est un bureau qui le mérite quand même, l'inspecteur le mérite. Je le disais à l'âme l'autre jour, j'ai dit, moi ce que je voudrais oser, c'est de faire 100% à Tamba, ce qui est impossible à l'entrée en sixième. Mais je sais que d'abord avec le BFM, nous sommes presque sûrs que l'IEF là doit avoir une promotion. Parce qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui est très modeste, très humble et très ouvert. Tout à fait, oui. Donc c'est important. Parce que quand on est devant, c'est pas réellement ce que j'ai dit. Être devant, c'est pas réellement ses pensées, ses idées qui font la force de celui qui est devant. Mais ce sont les membres. Parce que si vous faites confiance à votre équipe, vous travaillez en collège, vous allez avoir des résultats. Et lui, il a compris ça. Et il est en train de le mener à bien, il responsabilise tout un chacun, les gens sont en train de travailler. Et maintenant, on souhaite que les résultats aussi suivent. Voilà, ça vraiment je confirme, parce qu'à chaque fois que je fais émission en éducatif, puisque je suis sous l'apanage de l'IEF, donc quand j'appelle l'inspecteur Wade, donc ou bien l'IEF lui-même, ils me disent, Junior, c'est toi le journaliste, hein? Il ne faut pas nous demander, il faut faire tout ce que tu veux. Hein? Donc voilà, ça aussi c'est très important, avoir confiance. Vraiment à tes adjoints, c'est très intéressant. Alors Guindo, nous allons vous revenir tout à l'heure dans la version Wolof pour essayer d'être plus explicite pour nos parents qui n'ont pas compris donc à travers cette langue de Molière. Alors nous allons retourner vers vous, notre valeureux consultant M. Baguedi. M. Baguedi, déjà vous avez entendu M. Guindo, le président de la Ligue Régionale de Basket de Tambacounda. Un geste vraiment apprécié par tous les Tambacounda. Effectivement non seulement apprécié, mais quand même à saluer. Vraiment, les enseignants, je les connais. Ce sont des patriotes. Tout à fait, oui. Je sais que lorsqu'ils vont vous entendre, ils vont répondre massivement. Malgré que l'année scolaire a tiré en longueur, ils sont fatigués. Mais vous allez voir, lorsque vous allez démarrer, vous allez voir la présence de ces enseignants-là, qui sont très braves et qui sont très soucieux de l'avenir de ces enfants-là. Donc, nous vous encourageons, n'est-ce pas, à mener ces genres d'activités. Parce que vous pouvez vous dire que, bon, je suis dans le sport, mais vous avez compris que maintenant, le sport a évolué. On parle de sport-études. Et dès lors qu'on parle de sport-études, alors les enfants, donc, trouveront à l'intérieur de leur désir de faire du sport, n'est-ce pas, l'intérêt aussi hein, de pouvoir apprendre, n'est-ce pas. Et on peut allier les deux, n'est-ce pas. Aujourd'hui, il y a des grands sportifs très diplômés, n'est-ce pas, qui sont sortis des universités. Si vous allez au niveau de la NBA, vous verrez qu'il y a des sportifs qui sont des universitaires. Tout à fait, et donc, ça, c'est donner un exemple à ces enfants-là qui, parfois, peut-être pour faire du sport, on laissait les études. Mm-hmm. Mais tout à l'heure, je l'ai entendu dire que il fallait que je m'occupe d'abord de mon avenir. Mm-hmm. Il fallait que j'aille étudier avant de revenir maintenant intéressé. Peut-être qu'il avait vu qu'en réalité, il ne pouvait pas se professionnaliser puisqu'il l'a dit, ce n'était pas si professionnel. Mm-hmm. Alors, il fallait étudier, n'est-ce pas, et revenir. Et aujourd'hui, il est en train de servir le basket, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Et donc, les études sont incontournables actuellement. Mmh. C'est pour cela que je vous félicite. Merci. Et je vous encourage. Et on trouvera de notre côté aussi les voies et moyens pour vous accompagner, Inch'Allah. Merci. Tout à fait. Merci. Voilà, 88-428-1432, 88-628-2877, 88-428-1432, 88-628-2877. Alors, M. Baguedi, justement, puisqu'il est question de BFM, nous allons parler de cet examen. D'abord, comment se sont déroulés ces examens du point de vue de je parle des préparatifs. Mmh. Bon, du point de vue préparatif, peut-être par rapport aux enseignements, mmh. Je pense que le retour, comme on l'a dit, hein, c'est pareil pour le bac, mmh. le retour était un peu craintif, on avait peur, n'est-ce pas, les gens avaient peur de commencer, mais en réalité, l'avenir nous a donné raison. Hein, aujourd'hui, vu les résultats au baccalauréat et les résultats au premier tour du BFM, on ne peut que saluer le travail abattu, n'est-ce pas? Non seulement par nos autorités administratives, l'IF, hein, l'inspecteur d'académie, toute l'équipe hein, de l'IF qui était sur le pied de guerre. Mm-hmm. Hein, je vois Abou, Inswade, Insfal, partout, tout le monde s'est donné corps et âme, mm-hmm. n'est-ce pas, pour la réussite de cet examen. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le résultat nous donne satisfaction dans la mesure où, n'est-ce pas, on frôle des taux de 94-92%, mm-hmm. n'est-ce pas? Et vraiment, je suis très satisfait et je dis un grand merci à tous les enseignants. Mm-hmm. Voilà, à tous les enseignants, un grand merci. Tout à fait. Voilà, vous avez donné plus qu'on attendait de vous, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Et un grand merci aux parents qui nous ont fait confiance parce qu'ils pouvaient décider de dire aux enfants, vous n'allez pas retourner à l'école. Mm-hmm. Mais ils ont fait confiance aussi au système. Ils ont remis les enfants dans le circuit. Et enfin, maintenant, à ces enfants-là aussi qui se sont battus. Vous savez, Junior, je suis dans les salles de classe. Ces enfants sont revenus plus motivés qu'avant. Tout à fait, oui. Voilà. Ça s'est senti, oui. Au retour, mm-hmm. les enfants sont revenus plus motivés. Voilà, nous avons N'est-ce quelqu'un en ligne, 88-428-1432. Allô? Junior, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je n'ai pas l'autorité, mais je peux me le permettre. Bien sûr, bien sûr. J'ai entendu Baguedi féliciter les administratives, les enseignants. Mm-hmm. Mais à mon nom et au nom de tout le groupe Alkouma, mm-hmm. Je le félicite et le remercie de vive voix. Tout à fait. Pour sa disponibilité. Mm-hmm. Nous avons échangé avec des élèves mm-hmm. qui nous ont fait savoir qu'ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés, à la limite même en SVT. Mm-hmm. Ils ont eu vraiment la chance mm-hmm. d'avoir bénéficié des cours d'encadrement, mais aussi des cours en direct à la radio. La radio, oui. Ça ont facilité les choses. Mm-hmm. Donc, je voudrais, au nom de la radio, mm-hmm. Exprimer toute notre gratitude et nos remerciements mm-hmm. au professeur Baguedi pour la franche collaboration. Mm-hmm. Je crois que chaque année, mm-hmm. il serait bien que nous puissions continuer mm-hmm. cette initiative en priant. Ce n'est pas une manière de souhaiter aussi qu'il y ait toujours le corona. Ah oui. Vraiment, merci beaucoup, directeur. C'est un grand plaisir, hein, quand même, de recevoir. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un devoir. Lorsque je venais à Tamba, je ne connaissais personne. Cette ville m'a adopté, cette région m'a adopté. Aujourd'hui, je me sens à l'aise ici. Et tout ce que j'ai, je le donnerai ici, Inch'Allah. Et de façon très volontiers, Inch'Allah. Et je suis très content de travailler avec vous. Mm-hmm. Voilà, pour la bonne initiative qu'ils ont prise au niveau de la Ligue régionale de basket. Mm-hmm. Bon, et venant de Amadi Kindo, ça ne devrait surprendre personne. Mm-hmm. Parce qu'il peut dire qu'il est né dans une famille sportive. Mm-hmm. Voilà, la famille Kindo est constituée vraiment une référence au plan sportif dans la région de Tambacounda. Et ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Mm-hmm. Et en tout cas, comme disent les Wolofs, ndox du baye yonam. Tout à fait. Voilà, nous lui souhaitons une bonne continuation. Et encore une fois, professeur Baguidi, félicitations. Merci beaucoup. Que vous êtes aujourd'hui un enseignant très heureux. Beaucoup de vos candidats sont passés depuis au baccalauréat. Et c'est aussi au BFM, ça a été le cas. Effectivement. Donc, bonne continuation et prions que tous ces élèves qui ont réussi au baccalauréat et au BFM ne rencontrent aucune difficulté dans les maintenant orientation et comment, au niveau des universités, mais aussi au niveau de nos différents de nos différents lycées. Voilà, et parce que là aussi c'est une autre paire de manches, comme on le dit. Mais prions quand même que les défis soient relevés à ce niveau aussi. Tout à fait. Voilà, voilà. Merci voilà. Et bonne continuation à Junior Ba. Merci beaucoup, Dej. Merci beaucoup. Donc, c'était bien sûr Maké Danyoko, directeur, je dirais, président, directeur général du groupe Alkouma. Merci beaucoup à vous, Maké. Donc, toujours disponible également quand il s'agit de l'éducation. En tout cas, la radio Alkouma est là pour tous les domaines, mais particulièrement le domaine de l'éducation. Effectivement. On a vu tous les sacrifices que la radio a eu à faire pour pouvoir aider les élèves, les accompagner, par le biais bien sûr des professeurs comme vous, Baguidi. Voilà, il l'a souligné, là aussi c'est important aussi, puisqu'il s'agit de remercier les enseignants, de vous remercier vous et vos pères qui êtes venus ici pour aider les élèves. Effectivement, effectivement. Vous savez, de M. Baguidi, il y en a plein à Tamba. Peut-être c'est M. Baguidi qu'on voit et qu'on entend, mais je vois les collègues se donner corps et âme. Je vous assure que j'ai vu des collègues parfois descendre à 22h, n'est-ce pas, avec ces enfants-là, parce qu'il y avait ce souci-là de réussir, n'est-ce pas, quand un enfant, aussi innocent qu'il soit, vous regarde avec ses yeux, tout le temps, sachant que, en réalité, il a besoin de toi, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas lui tourner le dos, c'est pas possible. Et donc, les collègues se sont battus, n'est-ce pas, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir ces résultats-là. Et je sais qu'ils le feront si c'est à refaire. Donc, merci beaucoup au PDG, mais aussi merci beaucoup à Junior aussi, qui quand même tout le temps se soucie de voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à ce que ça s'améliore sur le plan éducatif, mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Les inspecteurs aussi, on les remercie. Moi, ça m'encourage beaucoup parfois de les voir intervenir, d'envoyer des messages. Ça veut dire que donc nos autorités nous écoutent. Et donc, si normalement on fait quelque chose de façon maladroite, ils vont remettre les pendules à l'heure, mais alhamdoulilah, jusqu'à présent, tout se passe bien. Et on espère continuer sur cette lancée-là pour pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Nous n'avons que notre jeunesse. Cette jeunesse-là, on investit là-dedans, on va avoir un développement durable. Mais si on les laisse à côté, alors bonjour les catastrophes. Voilà. Sunu yaay boy yi ñu yonne message hein, kenn ki mi ngi né dafa bëgg wax ak monsieur Baguidi. Da ngay def yaay boy 88 428 1432, 88 628 2077. Il paraît que da nga jangal domam. Donc ce message bi sax mi ngi bënd di la tag. Way yaay boy bu la nexé nga dugg bien sûr, nga daldi wax ak directement monsieur Baguidi. Kenen ki itamit néna mi ngi insister demul, waye dama leen di fatali bu fekkante né ligne wala bonus du dem, da ngeen di jënd crédit, ngeen duggu ngeen dal di mëna sargal seen doom ak bien sûr bëgg wax ak monsieur Baguidi bi nga xamantene bobu nek bobu légui mi fi taxaw ngir jappalé seen doom à chaque fois buñ ko wowe mu wuyu. Et bien sûr il faut être monsieur Baguidi pour pouvoir faire ça. En tout cas félicitations à vous. Vous avez vu les épreuves en SVT, est-ce que c'était abordable pour les élèves parce que vous avez bon appris? Je pense que ils sont là donc ils sont là. En tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup les cuisiner. Voilà, ils sont là quand même dans l'ensemble. Les épreuves étaient abordables. Maintenant, abordables dans la bouche de qui? Donc, on va écouter ces enfants nous dire comment ils ont vécu ces épreuves-là. D'autant plus que, en réalité, on a pratiquement tout fait. N'est-ce pas, on a révisé et ça nous a donné aussi le temps d'asseoir beaucoup de compétences. Alors donc, et ce qui nous a aidé hein, dans le programme, c'est qu'on a enlevé beaucoup de leçons. C'était très intelligent. Voilà, parce que les leçons qui posaient un problème en SVT, on les a enlevées, c'est la géologie. Raison pour laquelle maintenant, finalement, il nous restait que les leçons de sciences de la vie, hein, que vraiment qui ne posaient pas beaucoup de problèmes et que vraiment le sujet aussi était tellement bien que, je ne sais pas, maintenant après avec les enfants, ils vont vous donner leurs impressions. Mm-hmm. Mais à mon humble avis, c'était un très bon sujet, mm-hmm. n'est-ce pas, au premier tour. Mashallah. Alors, contrairement au bac également, on n'a pas noté beaucoup de difficultés, beaucoup mm-hmm. de problèmes au BFM. Mm-hmm. Il n'y a pas de cas de tricherie. En tout mm-hmm. cas, on n'en a pas encore reçu. Mm-hmm. Également, il n'y a pas de problème dans certains centres et autres. Mm-hmm. Donc, le BFM, finalement, s'est bien déroulé. Effectivement. Vous savez, le BFM, ça se gère au niveau régional. Hein? Mm-hmm. Donc, chaque académie, n'est-ce pas, à son équipe qui gère et qui travaille. Quand l'équipe est dynamique, n'est-ce pas, accompagnée d'enseignants qui sont chevronnés aussi, normalement ça donne ces résultats-là. Je pense que pour les cas de tricherie, on avait très tôt tiré sur la sonnette d'alarme mm-hmm. après le bac pour dire que nous ne voulons pas de ça. Un enfant, on l'encadre, on le prépare et il faut qu'il comprenne que seul le travail paye. Et heureusement, aujourd'hui, on n'a pas noté ces cas de tricherie-là. Il faut qu'il croit en eux. N'est-ce pas? Et même quitte à ce qu'on reprenne la classe, je l'ai toujours dit, mm-hmm. quand je ne sais pas, n'est-ce pas, ou bien reprendre une classe, redoubler, mm-hmm. mais se reculer pour mieux sauter. Tout à fait, oui. Voilà. Moi, je l'ai dit, il faut que les enfants comprennent que mm-hmm. dans le circuit, on peut être un bon élève et rater une année scolaire. Mm-hmm. Ça arrive. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mm-hmm. mais ça ne vous empêche pas de réussir. Tout à fait. Oui. Ça, c'est un message. Mm-hmm. Et je lance ça aussi aux parents. Hein? De mon côté, voir que Olaf nous dit que Khalé pour redoubler, Dougatia. Voilà. Khalé, mon a redoublé parce que de faire un anem. Man, qui se mon cursus, redoublé là. Terre ou mataki. Donc, ce don pour redoubler, baïkou mou redoublé, tenga top poko, bunga khamne, dinenkou mou na saïtou, boho, l'outaron mou redoublé, bunko dalat. Pour que de faire beau avancer, de faire un niveau. Donc, c'était ça le message que j'avais à lancer. Tout à fait. Donc, ces enfants-là, ils ne sont pas nuls. Parfois, c'est des enfants qui n'apprennent et d'autres qui n'apprennent pas. Et souvent, bien, le climat social, l'entourage, etc., le milieu, et parfois même l'influence, c'est ça. Mais quand même, c'est des enfants très intelligents et vous allez vous en rendre compte lorsque l'enfant se réveille. Voilà, lorsqu'un enfant se réveille, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un gosse tout à l'heure, vers 14h, il est venu à la maison pour me dire, monsieur, je retourne à l'université. Je l'avais cité la dernière fois, il est en train de faire une maîtrise en MPC, mais je parle sous le contrôle de mes collègues, Ahmed, ma foi, les gens disaient que qu'il soit à mes BFM rek bahna. N'est-ce pas? Alors, donc, mais il faut savoir stimuler ces enfants-là, les écouter, les comprendre, les orienter. Et je pense que c'est ce que nous avons eu cette année. Hein? Je prie que ça se pérennise. Extrêmement important. Les gosses ont retrouvé confiance. Des élèves de 4e m'ont dit, « Nous, nous sommes comme tu peux faire mieux. » Les gens avaient peur de l'examen. Avec ces taux que nous venons d'enregistrer, les gosses maintenant sont hyper motivés. Alors, il ne faudrait pas qu'on les lâche maintenant à ce moment-là. Alors donc, vous l'avez dit, il faudrait un accompagnement de ceux qui doivent faire les classes d'examen l'année prochaine. Et ensuite, maintenant, que les parents sachent que aussi, comme il l'a dit, il faut qu'on renforce ces enfants-là. Même s'il n'y en a pas gratuitement, il faut aller. Les lycées et autres là sont en train d'organiser des cours de vacances, n'est-ce pas? Mais c'est le moment. Mais on félicite tout le monde. On félicite tout le monde. Si les taux se confirment au second tour, vraiment Tamba ne sera pas derrière au niveau national. Tout à fait. National. Voilà. Enfin cette année, nous espérons bien. Voilà, sera parmi les trois premiers. Les trois premiers, voilà. Mon aïtan, vous me donnez Tamba, Tamba n'est jungle. C'est le mot que vous savez. Des fois résultats, mais bipani, c'est mon professeur de M. Bine Tamba Koundoua. Tellement suis fier avec ses excellents résultats. Alors nous allons nous retourner du côté des élèves, Aminata Sissoko, du collège Tierno Soleil. Aminata, par rapport aux préparatifs, comment vous avez préparé le BFM à l'école, à la maison, hein, dans les révisions, etc. Bon, pour les préparatifs, bon, ça a été cool avec notre papa, M. Baghetti, accompagné avec les autres professeurs. On n'avait pas du tout la pression parce que on les faisait confiance quand même. Voilà, eux aussi, ils nous ont conseillé, ils nous ont pris comme leurs propres enfants. Et à la maison, ouais. ça a été avec les préparatifs. Avec l'avènement de la pandémie, donc l'arrivée de la COVID-19, est-ce qu'à un certain moment donné, vous n'avez pas eu peur? Vous vous dites, voilà, nous sommes restés, enfin, je ne sais pas. Il n'y aura pas d'examen, voilà, etc. On a tout entendu. On a eu peur parce que, voilà, Parfois, notre président nous dit que le 2, on va partir à l'école. Tout à fait, encore il vient. Non, on ne va pas partir à l'école. On avait tous la pression, on disait que voilà, je ne crois pas que cette année, on va faire le BFM. Mais avec les cours en ligne, nos professeurs nous donnaient le courage de le refaire encore. Lorsque le président a affirmé que le 2, on va venir à l'école, on n'était pas tout... On n'avait pas toute la pression quand même parce qu'on avait préparé avec les professeurs. On était confiants parce qu'ils nous ont promis qu'ils vont respecter les mesures barrières. Alors, on est venu à l'école, accéléré avec les professeurs, ils nous faisaient confiance, on les faisait confiance, les parents aussi. Ça a été merveilleux. Est-ce que toi, par exemple, tu te faisais confiance? Avant, non. Avant, parce que je disais non, ça ne peut pas aller avec cette Covid-19. Sinon, quand je pars, je vais mourir. C'est ça que je disais. Je disais que quand je pars, moi, je ne fais pas parce que je vais mourir. Chaque jour, on dit que l'auto s'élève, il y a des morts, ces trucs-là, voilà. Mohamed, comment tu as préparé le BFM à ton niveau? Moi, j'ai préparé le BFM avec notre prof, M. Bagheri, qui nous a motivés. Et j'en suis fière. Moi-même, j'avais pas peur de faire le BFM. Tu étais confiant? Oui, j'étais confiant. Tchamba. Inch'Allah. En tout cas, c'est important, la confiance en soi. Effectivement. C'est important. Voilà, c'est motivation. Avec la Covid-19 aussi, tu n'avais pas peur? Si, monsieur. Tu n'as pas dit qu'il n'y aura pas d'examen, etc. Oui, j'avais dit qu'il n'y aura pas d'examen, on va tous se redoubler. Et j'avais peur de partir à l'école et d'avoir le coronavirus et de mourir, quoi. Mais tu es là, tu n'es pas mort. Fatou Diko, donc pour le modèle numéro 2. Fatou Diko, toi, à ton niveau, comment tu as préparé le BFM? Je me suis préparé avec M. Bagheri et M. Diallo du CM 15 en Bogo. Ok, par rapport également au coronavirus, donc là aussi il y avait beaucoup de pression. Hein? Oui. Au début j'avais un peu peur, mais après. Tu as retrouvé la confiance. Oui. Est-ce que tu suivais régulièrement les cours à la radio que M. Bagheri faisait? Oui. Qu'est-ce que ces cours-là t'ont apporté de plus? Je prenais souvent des notes. Avec M. Nying et M. Bagheri aussi, M. Kaba aussi, du CMT, ça je crois. Ok, donc apparemment ces élèves-là aiment plus les matières scientifiques, hein, parce que ça se refait très souvent, je ne sais pas, c'est à cause de M. Bagheri, c'est pour ça. Ça c'est de la ségrégation. Toi à ton niveau, toi aussi tu suivais les cours à la radio? Oui. Ok, donc quel est l'intérêt de suivre ces cours-là après cet examen-là? Oui, l'intérêt de suivre cet cours, ça m'a servi quand même. Ça m'a servi parce que avec M. Bagheri, tout est possible. Tu apprends par la force ou tu vas conjuguer le verbe Niaf à l'école. Inch'Allah. Alors, donc, lors de la programmation des résultats au TSA, il y a une élève qui m'a appelé. Moi, je faisais le lettre ici à la radio. Elle m'a appelé pour me dire donne-moi M. Bagheri. Je lui dis que j'ai une demi-heure. Je vais l'appeler pour lui dire. Masha, en tout cas, ça fait plaisir d'être accompagné vraiment par un professeur. Et justement, beaucoup d'élèves vous appellent papa. Là aussi, ça fait plaisir. Et pratiquement tous les élèves qui ont réussi, c'est grâce à vous, ils l'ont reconnu. Mais ça fait quand même un grand plaisir. En tout cas, félicitations pour tout ce travail que vous avez eu à faire. Maintenant, on va parler de l'examen en tant que tel. Le jour de l'examen, avant de partir dans vos différents centres, qu'est-ce que vous avez ressenti? De la peur. Mais toi particulièrement, tu as toujours peur. Ah. Est-ce que la peau ne t'a pas un peu handicapée? Non, pas trop, mais on dirait un petit peu. Mm-hmm. Ça m'a même pas emporté, mais avec les conseils que notre papa nous a donné, M. Baguedi, mm-hmm. voilà, le stress diminue. Mm-hmm. Oui. Les épreuves, comment c'était? Ouais, ça a été, oui, ça a été. C'était abordable. Et... Qu'est-ce que vous avez fait en premier lieu? Français. Le premier jour français. Mm-hmm. Voilà, lorsqu'on vous a donné l'épreuve de français, vous avez ouvert ça, vous avez regardé. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez pensé en premier lieu? Pas mal. Mm-hmm. Vous avez pensé à quoi justement? Vous avez pensé à papa qui est là en train d'attendre? Ben, moi j'ai pensé à tout. Mm-hmm. Parce que je disais que la famille est là-bas. Mm-hmm. Ils ont besoin de nous en fait. Et notre papa est là, il nous a demandé de concentration au maximum. Mm-hmm. Voilà, avant de traiter le sujet, il faut réfléchir et lire le sujet et relire pour mieux comprendre avant de traiter. Mm-hmm. Bon, on a beaucoup réfléchi et avec le temps, on a... Selon toi, quelle était la matière la plus facile ou la plus difficile? Première catégorie, SVT. SVT. C'est la matière la plus facile. Ok, la plus difficile? La plus difficile, histoire et géo. Histoire géo. Ah, tu n'apprends pas tes leçons peut-être. Mohamed, l'épreuve la plus facile? La plus facile, il y en a beaucoup. Hein. Mmh. Lesquelles? Comme économie familiale. Mmh. Et SVT. Les matières facultatives, SVT. Mmh. Et IC. IC. Oui. Ok. L'épreuve la plus difficile? Ah. Pour moi, dalle. Tout est facile. Il n'y a pas. Non, ce n'est pas toutes les épreuves qui sont faciles, mais il y a des mots difficiles. Ah, moins difficile. Comme l'histoire géo. Machallah, on va donner la parole à petit modèle numéro 2. Pas tout petit modèle. Alors, deux jours avant la proclamation des résultats, les examens sont terminés. Qu'est-ce que tu t'es dit? Une fois à la maison. Tout est fini, on attend que la proclamation. Je vais pas réussir. Tu vas pas réussir. Je dois réussir. Ah, je dois réussir. Ah, d'accord. Donc, tu dois réussir. Tu étais quand même confiante après avoir fait ces épreuves-là? Oui, un peu. Mais tu n'avais pas eu un peu peur quand même parce que la pression montait très souvent. À la maison, dans ton quartier, tout le monde disait... J'avais peur. Tu avais peur, voilà. Fatou Fatou, Guinougoun. C'est vrai que dans les quartiers, la pression est trop forte. Nous, Mernyaï. C'est mon boy. Vous aussi, vous nous... Hey. Moi, qu'est-ce que monsieur, attendez dans 15 minutes. Attendez, moi j'ai beaucoup attendu. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions après. Vous êtes Junior, tu l'as fait exprès. Non, c'est pas Junior qui donne les résultats. Voilà. Donc, ce sont les jurys. Donc voilà, maintenant, vous étiez allé au centre, c'est ça? Il y a des élèves qui sont allés. Toi, tu n'es pas allé. Tu étais là-bas. Voilà, donc on va parler avec toi. Alors, pourquoi tu as quitté chez toi pour aller au centre TSA alors que on proclamait ça direct, 15 à 15 Amour, voilà. Oui. On devait proclamer ça direct à la radio. Oui. Le courant, ce jour-là, le courant. Ah, il n'y avait pas de courant. Il y avait coupé de courant. Ah, oui, d'accord. Et tu ne pouvais plus patienter. Il y avait une de mes amies qui m'avait appelé et m'a informé. Donc. C'est vrai que dès qu'on a commencé à faire les directs, il y avait des coupures d'électricité. Dans certaines zones. Il y avait un problème au niveau de Sénélec. Voilà. Toi aussi, tu étais allé au TSA? Oui, mais j'écoutais la radio, mais je n'ai pas entendu mon nom. Ah, tu as écouté la radio? Ah, ok. On a... Deuxième du centre, parce que les cinq premiers. On ne les a pas entendus. Ça nous a échappé. Voilà. Parce qu'il y avait le journaliste Keba que nous remercions au passage, donc, qui nous assurait les directs depuis là-bas. Voilà. Mm-hmm. Donc il y a 5 à 6 noms qui nous ont échappé. Mm-hmm. Donc tu n'as pas entendu ton nom au début? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pleuré. J'ai peur. J'ai dit à mes amis, je vais aller voir à TSA. Mm-hmm. Après, lorsque je suis entrée dans l'école, on m'a dit que tu es deuxième. Par quel en tout cas, ça toi, tu as entendu ton nom à travers la radio? Oui. Ah. lorsque tu as entendu le président de jury parler d'Aminata Sissoko, Aminata Sissoko, qu'est-ce que tu as fait en premier lieu? J'ai crié, sauté. Oui, j'avais perdu, mais je sais pas. Tu n'as pas pleuré quand même? Oui, si, j'ai pleuré. Mais je suis parti où? Et où j'étais fatigué parce que les enfants là, tout le monde me disait, mais moi j'ai peur de. C'était à deux jours, hein, deux jours de. Alors, donc c'est des messages qui arrivent quoi. Mais j'ai trop peur. J'ai dit voilà, allez, aie confiance, ça va aller, etc. Donc parce qu'il fallait quand même ne pas avoir peur, mais la peur est naturelle. Nous tout tous on est passé par ça. Alors donc il fallait juste les calmer. Mais quand même, vraiment. Après les résultats, on se rend compte que quand même, au niveau régional, il y a un excellent travail qui a été fait, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, on a ces résultats-là. Hein, vraiment, les collègues se sont donnés corps et âme, n'est-ce pas, pour la réussite de ces enfants. Tout à fait. Voilà donc, 17h passées de 13 minutes sur les ondes de la 107.0. Vous suivez l'émission Coin Éducatif. On va marquer une toute petite pause musicale de quelques secondes pour revenir dans la version Wolof. Je suis très content de vous soir si à Guillaume Sassounek si 107.0 Radio Alkouma FM. C'est l'émission hebdomadaire Coin Éducatif, émission bi nga xamanteni dafa yëngu ci lépp lu jëm ci mbirum jang ak jàngalé ci cadre gi seen xarit seen soppé talibé kër gi la maison junior ba ngeen ci andal fassiyene féko ci xarale gi Mam Diara Fay comme ni len ko waxé rek ci réseaux sociaux yi té na ñu ngi dalal monsieur Amadi Gindo nek président de la Ligue régionale de basket bu Tambacounda ni ñu fi dalé également monsieur Baguedi nek professeur ci walu SVT way en même temps nek suñu consultant ci lepp lo xamanteni mi ngi jëm ci examen yi jall am nañ fi itam ay élèves yi nga xamanteni jamono yi donte examen yi jéxagul définitivement ñi ngi xal deuxième tour yi waye ñom yalla dimbali na len ak sen xarañté ñu jall premier tour il s'agit de monsieur Mohamed Tine hein légui ay monsieur ak madame lañu donc monsieur Mohamed Tine fofu ci centre bu Tessa nek école bu Tessa de madame Fat tout du coup nek ci 15 ans bugu ak Aminata madame Aminata Sissoko nek Tessa voilà alors yok nañ grade voilà donc di len fatali également que né mën ngeen intervenir hein ngeen daldi woté ci 88 428 14 32 wala 88 628 28 77 ma fatali les numéros yi 88 428 14 32 wala 88 628 28 77 monsieur Gindo ñu ngi nuyu ma lay fay junior wax yow li wara cété way fi donte ya jité président de la Ligue régionale de basket ma fatali itam ya ngi nek jangale kat cété way fi luko waral mom moy président Ligue de basket dafa yëngu ci ben événement bi nga xamanteni mi ngi koy wadjal djublu ci école bi waaw ma ngi nuyu donc ñep ñu deglu ci Alkuma FM di nuyu aussi ñu ma sekkal plateau bi fi di la jaajeufal di la remercier ci invitation bi parce que ci moment rek aussi lañu mëna profiter aussi nit ñi deug suñu cadre fu sori tout à fait donc di may wax ñaari casquette la fi ñëw tay ben bi moy sama fonction d'abord moy jangale kat la ma ngi jangale ba ñu amna kenn ku nekk ci ligne bi 88 428 14 32 allô Assalamu alaikum. Salam. Junior ba. Oui. Monsieur Sissoko lycée de l'État. Ah, monsieur Sissoko de l'école du lycée de l'État. Lycée de l'État, de Tambacounda. Voilà, voilà, monsieur Sissoko, ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Mashallah, on se prépare. Oui, on se prépare, oui. Je vous écoute comme ça en direct quoi. Ah, mashallah, monsieur Sissoko, souba di yomou de. Gaay suba ñu lek laax suba ngenté la wala masal ana madame elle se porte bien quoi ana bébé aussi mi ngi ci jamm je m'en porte bien quoi en tout cas chapeau aux enseignants machallah machallah Ndaysan mo da sonon nga très bien tamit way way alhamdullilah ça va ça va machallah alors defena ni suba ñun ñep dinañ and fofu ci diwanu afia voilà suba suba dañuy ngenté suñu bébé bi effectivement voilà est-ce que mo ngi fatali fal la suba la ko ma machallah donc ñukay ñaan bu fekke mëna duggal rek préciser ñu donc monsieur Cissokho nek fofu ci lycée d'excellence et d'élite Parkala donc mu ngenté domam suba inshallah lundi 21 fofu ci diwanu Afia momi tamit mu nek ko xamantene aussi tamit def liguey bu am solo ndax fepp fuma dem ci centre yi dajak mom mo aussi muy collecter di xol élève mi ndax jall nañu mu nek lo xam danaka professeur yi ñoy gëna son sax enseignant yi ki élève yi donc ñom aussi ñu leen ni jaajeufal bu baaxa baax di leen gëlo xamna na ma envoyer message par rapport ak information yi ñu dem parce que gëdna lek laax torop suba dal faamu jitu fa enseignant yi alors ñu do yaangi won ci point bu am solo waaw mané donc jangale kat la fi ma école d'application bu Medina Koura nek maître formateur fofu ça fait 11 ans maintenant en même temps nek président Ligue Basket Ligue régionale de basket donc lu ñuy wax rek dañu tok depuis covid bi mu commencé depuis le 14-15 mars nous gis ni amna classe yo xamné liggéey nañ moy classe examen yi mais amna classe yo xamné aussi fonctionné wuñu moy classe intermédiaire yi donc ñun buñ tok réfléchir ñu né ah est ce que ñun tay si manam si walum sport rek lañu wara mëna yem parce que ñu mënta mel dañu wara nek ay structure de développement tay donc étant structure de développement ñu né tay ñun suñu doom ñoo fi nekk ça fait presque 6 mois 7 mois jangoñu est ce que ñun dañu organiser bu fekké ben wër kessé la ñu organiser ay cours de vacances yo xamné seen xel da fay ñëwaat encore ci école donc ligue bi jël initiative bobu ñu daal di def correspondant adressé ko suñu kilifa di maître Babacar Ndiaye président fédération sénégalaise de basket automatiquement mu defal avis favorable né ah dina leen jappalé mais manam lu ñu xeyma won mëna non li yëp mënu mënañ ko jox mais xaj bi dina nako yëndé ngeen mëna def sen activité ñukoy jaajeufal bu ñu amé avis favorable ñu daal di dem ci suñu kilifa aussi parce que ñu mënte mel bo nekk jangalé kat am nga ay kilifa ma dem gis Mekayla moy inspecteur de l'éducation de la formation en même temps inspecteur régional des sports parce que c'est mbirum sport li mo wax ñaari casquette yi ci côté sport Ousmane Diagne moy suñu kilifa côté éducation Mekayla bi mu toge waxtaan ak Mekayla mo li ngeen sumbani re yalla na ci yalla jappale ñaanal ñu wala amna ku nekk ci limbi ñu jël ko 88 428 1432 allo allo oui allo oui oui c'est Cissokho encore hein? Ah ok Cissokho oui ça va bien ouais ça va bien alhamdoulilah Marissa sera au quartier Afia en face du chef de quartier monsieur So quoi ah en face chef de quartier chef de quartier oui monsieur So c'est après de bar Michel quoi ok voilà donc à partir de demain matin hein? À partir de demain matin inchallah ouais. Inchallah on sera là-bas voilà je disais que vraiment chapeau à tous les enseignants les pauvres vraiment professeurs quoi vraiment ils ont fait un excellent travail tout à fait oui machallah voilà et félicitations aussi les élèves vraiment qui sont admis d'office et ceux qui sont aussi admis après second tour oui que ça soit baccalauréat ou BFM Mashallah. Et félicitations à ma fille là, Aminata Cissokho. Aminata Cissokho, ah ok, c'est bon depuis. Voilà, qu'elle a déjà un petit frère. Hein. Mashallah, oh y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour l'appel. Merci beaucoup. Inchallah, on va se retrouver là-bas demain. Ok, Inchallah, merci beaucoup. Allez, merci bien. Donc voilà, merci beaucoup à Mouché Cissokho. Donc, nek fofu ci école lycée. D'excellence et d'élite voilà donc li dafa nexa gis nga bo réussiré ñeppay bëgg nek sa papa ñeppay bëgg nek sa yaay hein waye bu la né jangal nga bac cher té gogo jang rek gindo alors donc ligue bi bu comme numa ko waxé ñu daali dem gis suñu ki defu bu nek éducation mu non seulement nangu projet bi mais décidé ni daf ñuy jappalé mo manque inspecteur régional aussi des sports donc nous di wo jangale kat yi ñoo xamné vraiment ils sont intéressés parce que du li ñu wax la acte citoyen la lo xamanté la suñu bop lañ koy défal réew mi lañ koy défal suñu dëkk lañ koy défal surtout Tamba parce que tay bo démé ba Tamba ñor la rek tay mom bu la woyé té lancé ben mouvement bo xamné wala ben activité bo xamné tay pour doomu Tamba yi la rek dañ ci wara japp donc ñu décidé organiser ay cours de vacances yi classe yo xamné CPL C1 C2 ba CM1 donc ñu koy def à l'école Medina Koro à partir du 5 octobre pour dire len pour wax len aussi là nak mbass bañ fi ba légui c'est vrai mu wagné ko mais ba légui mu ngi fi virus ba ngi circuler donc pour rassurer parents comme quoi que tay xalé bo xamné na dafa ñëw ce site bobu que norme de sécurité yépp dañ koy jël en charge té di wax na né c'est du Medina Koro bi lañu d'abord préférer def ko d'abord parce que on a pas suffisamment de moyens amaguñu ki bu bëre doole bu bëre mais bëgg nañ aussi fi ba inscription di jeex c'est vrai que fi ba le 1er octobre yalla bu ñu may ñu demul ay ressources additionnelles la xane gaay jappal nañ encore dañu wut ay site yo xamné ay gurel dajalay nek yi saara gilel yi nek plateau parce que day metti ki jogu saara gilel ñoo ba Medina Koro c'est vrai Medina Koro ci digg bi la nek mais bo amé ay site yu bari aussi ay école yu bo xamné yo xamné dañ koy def mo gën encore ñu mëna intéresser commune bi yëpp quoi donc si loolu la nek mais pour l'instant Medina Koro rek lañu lañ d'abord choisir alors donc may inviter sama mbokk enseignant aussi que ñu jappalé ce projet bi parce que temps yé ma ngi ci waxtan ak Mamoud Lamine Lam sama xarit la parce que ñu ñoo tok buntu kër ga tout temps di nan ataay bu ñu koy bëgg mëne projet bi ma ngi ci waxtan mo ensuite comité directeur tamé ak jappalé ma sama comité directeur basket ñu daldi initier ko di après lancer un appel à Sambo Soumano parce que mo moy président Odegaaf Tamba sank waxon nako aussi en français que bo jëlé moment associatif surtout moment nabitan bi danaka ñu ñu ay jangale kat lañ tay ñu ñu wara mëna jappalé sax ñu ngi ubi yeneen site encore organisé wu ubi yeneen ñaar ñett école nga xamé la ni bu bu xora ak Medina Koro encore donc cri de cœur bobu lay lancer ma suis profité rapidement yoy vraiment féliciter suñu élève yi togué fi dal bafem ak ni dal aussi baccalauréat parce que ñu mënti mel élève mom primaire lañu ndëk jaar bala ñu égg moins secondaire donc c'est l'occasion de féliciter ceux qui ont réussi et d'encourager ceux qui ñoo xamé ni dalunu té liñu wax ya pas de honte non bo réussi bo bu ki yene bo échoué échec dafa bokk ci suñu parce que échec mo lay permettre nga jangat lu bëri encore dans la vie mais boy réussir tout le temps jour bo demé bo confronté ak ben difficulté wala ben échec rek wo defu nank lu bëri da yaxu parfois il est bien d'échouer pour mieux encore sa nga mëna ñoo encore là tirer les enseignements de cet échec là pour mieux rebondir donc le conseiller la leen di jox té liñu amul élève bu nul ñak l'environnement parfois mo may andi problème bo xamé élève bi du nek ci dans les conditions d'apprentissage voilà donc information bañu nonu xibaar bi mom moy né cours de vacances bu ligue régionale de basket bu Tambacounda di organiser président bi nak mom lañu dalal tay ki jité bobu structure donc mom lañu dalal fi ci 107.0 émission coéducatif wax na quoi donc cours yi à partir de 5 lay démarrer 5 octobre danaka fi ak fan yu néw dina démarrer jamono yi tambali nañ li nga xamanteni mom moy inscription yi donc parent bu nek bu fekke bëgg nga sa dom dem jangi té do fay dara ci vacances yi en tout cas mois bi ñu nek mën nga daw gaaw dem fofu ci Medina Koro donc inscrire sa dom wax nañ ko aussi tamit té dinañ respecter condition yi nga xamanteni mom moy distanciation sociale ak lepp lu ci aaju monsieur Guindo par rapport surtout ak jangale kat yi naka lay démé justement voilà donc ñun temps yëm dama may waxtaan ak yeen jangale kat yi parce que dama né nañ porte d'abord volontaire buñu porté volontaire c'est bobu lay gëna intéressant xamné duñu def lan c'est un acte citoyen alors mais même fekké dañu volontaire aussi limi wax la rek il faut que ñu tam ñu accompagner au niveau de la ligue parce que maintenant ren année scolaire ça a été très compliqué da ngay gis dafa dag de telle sorte que amna ño xamné ba légui ñu ngi ci bir classe yi di surveiller ay élèves ño xamné ñu ngi def bfm donc tay nga la nañ tay sen vacances jeexna même pas 2 semaines nga la ñew leen encore ngeen jappalé xalé donc ak ñu mënti mel ñu fekké ni ataayela sax war nga ko mëna togal nit ko la jox ko donc pour leur dire que ligue bi enseignant ñu leen accompagner comme ni muy accompagner élève bi parce que déjà élève le fait que inscription soit gratuite ba paré ni duggal ci ay conditions yo xamné dañuy jang normalement en toute sécurité donc même condition aussi la reine enseignant ci loolu lañ nek ba paré ñu fekké ni essence la dañ leen ko jox mais volontarisme là bu ndek beug que ñu ni volontaire ñu ñoo jangalé au cas contraire ñu ngi cibler aussi cibler wuñu du moins ñu ngi am ay enseignants yo xamné ñu ngi bënd sen tour pour ñu jappal ñu ngir yalla rek tax donc amna au moins 6 enseignants ensemble mais lu ñu am ci enseignants moy gën encore parce que li ñu wax même su fekké ni ben 10 minutes la nga ñow ci bir classe ben 10 minutes bob nga jox xalé bi 10 minutes bob la wax na mo xalé bi daf ci bénéficier largement parce que question d'expérience la yow ci 10 minutes bi mën nga tef xalé bi comprendre bu baaxa baax donc loolu la appel bobu la ñu lancer que enseignants ñu japp ci projet bi ñu xamé ni tay ñun ñoko mom mbir bu Tamba la mbirum fenen mais mbirum Tamba la voilà ñi ngeen joxoñ baram mom moy ñi nga xamanteni ñom lañu duppé les élèves des classes intermédiaires moy ñi nga xamna jottu ñoo jang depuis mois de mars ñun le concerné légui nak dañ ko bëggona aussi yobu ci moyen secondaire bi manam jël classe 5e 6e 5e 3e ba lycée mais malheureusement fu nekk ni amagunu moyen yi amagunu doole bo xamné na daf ñu permettre ñu engager lool yëpp donc ñu ci réfléchir fi ba ci ay fan ni su fekké ni réellement lu ñu ñuy xaar nek na xamna ni dina encore convoquer parce que amna ben professeur bu nek au lycée Mame Cheikh Mbaye prof EPS la Lamine Ndoye mom moy sunu CTR fi tamen quoi mom moy le conseil technique régional en basket donc mom kéro bima koy wax le projet mom mo nekk ne lutax dugul aussi moyen secondaire pour dire que mom tamit amna fu mu gën xalaté parce que toutes les idées sont les bienvenues mon dama yémon ci élémentaire mais bima élargir un peu di discuter ak ñun ni dox nañu ay xalaat manako Lamine pour l'instant on a pas suffisamment de moyens mais buñ ko amé rek on va le faire makoy saluer et diko remercier au passage jotna ci waxtan ak ay monsieur le maire aussi moy Bounama Kanté ak ñeneen ak ñeneen même idée bi lañ ma wax ñeneen ma pourquoi ne pas extendre ça nga yob ko bo moyen secondaire mais chaque fois li mëna tonte moy amaguñu moyens mais c'est pas aussi écarté moyen bu suivre rek on va le faire mais pour l'instant dañu bëggone concentrer un peu par rapport ak moyen secondaire bi le temps que nous continuer élémentaire bi le temps que nous continuer du wut les moyens fi ba bala le 5 su fekké ni amna rek mais fekké ni dama ñu lycée ay seconde première terminale mais mën nañ ko yémal ba ci classe 3e au moins pour une première fois le temps que yenen année di ñew la ñu gëna défaru encore la ni gëna xamaat la fa lañu tek suñu temps parce que organisation pour une première fois dafa xaw ko difficile dafa compliqué mais bo ci duggé bang ko réussir rek lu ci dess après la yalla daf koy yombal voilà ok bu ngeen tambalé cour bi yan bëss ngeen tamu ak waxtu bi aussi voilà donc buñu damp tambalé altina lay commencer ba aljuma donc dañuy def altina tank jour ay jour ouvrable la rek dañ koy def altina ba aljuma donc 9h lay commencer permettre xalé aussi ñu nelaw buñu yaw sangu len ñu ndiki sogo ñu école parce que dañu bëggoon aussi comme buñu duggé bir classe dootul amati récréation amane xalé bi bu duggé day fekk mu yëre bi doon doxam yëre ay lekkam wala ndekine bu sour mais yëre na ay bom bom des trucs comme ça ci bir sagam bu duggé bir classe da fay liggé ba midi donc ça fait 3 heures de temps bu gënné rek automatiquement da fay ñibi wa donc nga xamné distanciation aussi la ñu ko mëna respecter bu baaxa baaxa ba parce que tant que nga def respect ki récréation ñu constater nañ ko avec la classe CM2 yi parfois il est difficile boy nga xajala len ay xalé lañu quoi il faut que nga comprendre aussi la sen âge fu mu toll que mënu ñu bañ di lonkante xam nga xal ali ñu magi sama nga ko def mais xalé ndaw mënu ñu ko def sinon da ngay nek fofu di dakh sen gëd des trucs mais bu mu dugg à part de 9h midi dañuy wacc ñu dem té ay renforcement lañuy def pour que parents yi xamé ni ay renforcement par rapport ñu jottono jang ak peut-être li nek waro nek ci programme ñu un peu renforcer ko ñu dolli len voilà gën len dëgeural parce que lu ñu considérer que xalé sincèrement dañuy bo jëlé xalé primaire ñaari fa ñetti fa sax da fay désapprendre complètement lu ñu jang daf koy faté surtout ko xamné togn ay wër donc tay ñun dañ koy def ngir yalla tax rek jappalé ni parce que lu ñu wax suñu doom la ni té ñu ñuy avenir ëlëk ñun suñu avenir jeex na dé ñun ñu waron am peut-être touti mo ci dess mais ñi ñoy avenir du Sénégal suba donc tant que yaangi défar sen avenir rek la ni yaangi défar aussi la ni réew mi voilà donc ci ñun ci lor lañu djublu sincèrement parce que amna yenen activité yo xamné mënon nañ ko def té dañ ko def aussi mënon nañ def reboisement mënon def don de sang mënon nañ def ay sensibilisation sur le paludisme yo yep ay activité yo xamné c'est dans le programme mais pour l'instant dañu bëgg d'abord par contexte bi jangal xalé yi mais nak contexte bi motax mais duñ ko yemalé fi aussi pour sen information dañ ko bëgg di continuer chaque année parce que dañu constater que chaque fois que élève dañ am difficulté en mathématiques et en français bo demone lycée danaka élève ay littéraire lañ soit 10 ans littéraire bok ay ñom ñun français dañuy def suñu dominante ce jour là mais réellement amuñu dominante aujourd'hui pourquoi ne pas créer des scientifiques renforcer les scientifiques là. C'est pas parce que M. Hamou Bagayoko mi ngi tok mais même que constater c'est un constat général que élève yépp dañuy daw si série littéraire té bo daw série littéraire quand tu vas à l'université jangal kat nga mëna doni bokku jangal kat nga mëna doni après c'est très rare nga gis ko xamé né dafa def ay histojo ay lettres modernes tu comme ça qu'il devienne autre chose xana mu dem bo fofu changer donc tay ñun suñu projet moy que surtout français bi ak mathématiques bi xol naka lañ koy gëna renforcer chez les enfants parce que pour être un bon mathématicien il faut être d'abord bon en français waaw lolu mom dafa am solo mëso gis ben scientifique bo xamé la né il ne comprend pas très bien le français lolu amul fen tous les scientifiques sont très bons en français peut-être à l'oral mais lolu ñu dox ils comprennent très bien tout à fait voilà c'est l'argent c'est le contraire nak des littéraires quoi amna sama le professeur yo xam nga li may wax bi may def bac trois la am mathématiques ba légui mang koy jibilé sama xalaata di jibilé content bu man dama koy rappeler suma demé survivant parfois baccalauréat dama né vous avez la chance parce que bu ndëk ba mathématiques quand tu as zéro bo amé 20 partout filo nga am 20 ils sont toujours en 20 France en 20 dans les éliminatoires éliminatoires la éliminatoire donc nous il fallait que mon bac A la bac A3 il fallait que nga jang mathématiques forcément wala nek bu rek lo xam lu am solo ñu mu tamit ñu leen di jajeufal bu baaxa baax wa Ligue régionale de basket ci initiative bu rafet bi ñu am donc di jappalé ndaw yi mais surtout di jappalé parents yi parce que amna parents yo xamné sen loxo jottu sen ginnaw donc mënu ñu di fayal seni dom ci cours de vacances yi donc ñom ñu ñew ngir jappalé yoyu lé parents défaral leen ko gratuitement je pense que parents yépp interpellé na leen mais aussi enseignants yi tamit comme niñ ko yag di défé nañu gëna wone sen bop par rapport ak initiative pour la fête du Ligue régionale de basket def ñu dem ngir mëna joxal sen bop li nga xamantene mom moy sen yéné nañu ko défé fi gatché ngalama way ñu ko gëna continuer rek donc Ligue de basket wota na nañ ci ñëpp taxaw xam nga enseignants dañu mëna sat képp ku bëgg japp sen liggéey di lay gëna jappalé mu nekk lo xamantene aussi ñi nga rafetlu initiative bu baaxa baaxa baax di wax ni rek en tout cas radio alkuma li la fi nekké donc lepp lo xamantene rek da fay yëngal Tamba diko jëmele kanam donc da ci tek lo xam voilà monsieur Bakay di ñu doon waxtane li nga xamantene mom moy BFM bi ban bilan général ngay def ci li nga xamantene moy BFM bi mo fateli gaay yi batay numéro téléphone bi 88 428 1432 wala nga def 88 628 2877 waaw BFM bi comme lui me rek sentiment de satisfaction mais nous sommes à mi-chemin yalla na yalla def xalé yi nga xamné tay ñoy def deuxième tour bi yalla may leen ko ak jam amen ko défé ñun ñëpp suñu ndam la té Tamba bo amé pourcentage bo xamné ni wax deug yalla au niveau national dañuy seen ci ñen ñe fété ci kaw kon je pense que lool suñu ndam la bo xolé taux yi ça tourne autour de 90-94% n'est-ce pas et donc su fekkenté né tendance au second tour ça se confirme alors inshallah je pense que taux bobu dina tax tay képp ko xamné ni ba ci suñuy kilifa yi ñuy yelif ñi jàngalé ak parents yi ak élèves yi dañuy am fierté n'est-ce pas le fait que nga nek ci parce que nous sommes en compétition hein c'est au niveau national donc région bu nek après da ngay génné ces statistiques tout à fait n'est-ce pas kon il faut ñu ñafé ba Tamba bok ci ñi nga xamné ci kaw la parce que man avant mais ñew Tamba mon ay jamono li sa mam cheikh mbay la gënon na xam waaw ay bop la daan génné ay kangam waaw bo xolé c'est mam cheikh mbay concours général wala général nerb gaay dañ dan door waaw très bien donc te lolou ba tay mën na fi baña jogé gis nga jank dafa am numu laaj rek té bu ngeen gisé ren xalé bu né yamo ci sa professeur daf ci am solo waaw parce que tay da ngay tok ci télé bi jakarlo ñett wala ñenti professeur yo xamné ni defal nañ la ben leçon bi kon discours bi day varié ku ci nek ak approche am te xalé bu changer bo changer cadre am rek da ngay gis ne il devient plus réceptif parce que dafa tam 4 murs yi ah dafa tam 4 murs yi moi je me rappelle rien rek la demul mais chaque année yo yobu sama élève sorti ñu dem Kédougou bu ñu def étude des roches dañuy dem ba Ibel étudier les roches métamorphiques marbre bi fofu. Tout à fait. Il y a le basalte là-bas, etc. Mais bo yegge fofu, mais bo yi do len xamé, n'est-ce pas? Tellement concentré, ñu ngi bind, ñu ngi jël note di poser les questions, etc. Def échantillonnage doga ñew. Donc xalé aussi amna activité extramuros, n'est-ce pas? Mais aussi le fait que internet bi commencé à agir, etc. Mais amna impact ci résultat yi. Résultat yi aussi programme biñu dag. Wañiko amna impact ci résultat yi, n'est-ce pas? Leçon yu bari dind nañ ko ci matière bu nek. Benen bi aussi effectif dañ ko réduire. Wañiko ba nga xamné di nga am jottu ñew seug ci xalé bi xol lu muy def, n'est-ce pas? Wala bu amé problème mo le monsieur, n'est-ce pas? Mais bu amé classe 60 wala 70 élèves, hein, ku néné le monsieur nga wara ñew, n'est-ce pas? Seug bo paré bo maytul 2 heures de temps yi jaxna. Alors donc dafa am solo, hein, dafa am solo. Donc bu lieu wéso dinañ ci def jangat bo xamné ni nañu permettre aussi ñu xolaat bu baax, hein, quelle sera vraiment la conduite à tenir, n'est-ce pas, pour la suite. Mais liñu gëna japp moy tay wajur bu ne da nga am bekté bo guéné ci dëkk bi après résultat bac bi après résultat premier tour BFM bi machallah rek ngay dégg machallah kon nak yalla na continue xalé yi nañu gëna gor gor té xamné jang dafa am solo ci dundu doomu adam waaw c'est pas pour rien que wajur y a des parents très conservateurs waaw attaché au sen culture mais dañ lay duggal école bay li nga ñëw n'est-ce pas kon ñooñu buñ démé ba bay la nga ñëw parce que xam nañ jariñu jang man sama yaay jangul mënul sax lire mais gis nga bu jang jota suma waccé day jël yatam né ma togal nga jang xam nañu xamul sax limay jang mais au moins demon nañ bu da ngay dem ba xamné li moy sa emploi du temps man sama papa mo jang mais mon père n'était pas tout le temps à la maison c'est ma mère qui s'occupait de mes études togal nga jang des fois mu jital la ba ci sen madame wala sen monsieur ne ko ki demb dama wax ba sonu jangul ñu la kay resté bu resté wul ñu salal la bu baaxa baaxa baax kon ñak bu même bo jangul yow parent bi da nga wara top xalé bi nga wara lijeenti jangam n'est-ce pas donc lolu motax nak tay ji vraiment bo démé ba tollu ci résultat yu melni do mon luddul sante yalla parce que ñun aussi jangale kat suñu fierté la tay collègue bo gis fu mu tok tay sentiment de satisfaction lay am parce que bo génné di dox ci dëkk bi kenn dula ciatu wala dila ciëpatu ci suuf wala ki mo parce que nak ñun ñoy corriger ci biir dëkk bi de ñun dong fi né bu résultat yu baaxulit des fois dañuy né xam nga ndaysan duñu comprendre wa c'est pas parce que fi la dëkk rek que dama lay ki donc finalement hein tay baaxul ñi nangam mais buñu gisé né wax dëgg yalla affaire yaangi changer nañ ci def jangat bu bari té félicité ñëpp ñi ci bok waaw képp ko xamné tay japp nga ci dañ lay wax gatcha nga lama voilà ñu gor gor lu ba vraiment dewen nak mu romb fi ah mu romb fi tarkala en tout cas yo xamna ni dimanche bi di ñew dinañ xol parce que dimanche bi di ñew dinañ fi inviter inspecteur wad ak ay kangam yu ngank école bi ñi def bilan finalement examen yi nga xamanteni mo fi jotta jall surtout BFM bi par rapport ak résultat yi am ak impact bu mëna am après ci éducation bi au futur donc joko nañ ci ak autorité yi ba nopi dimanche bi di ñew plateau spécial lay doon pour waxtane ci BFM parce que xam nga jamono yi dañuy supposer rek donté gennagul lepp waaw faaw ma genn lepp buñu genné pourcentage définitif ñu doora mëna xam Aminata Sissoko yow nga nek élève fofu ci nekkon olof bi dess olof bi non mais la wax olof da ñu rétu tout la non xalé fi ku fi ñew gis nga directeur gi nga yat bo mu ñoron né doore dé fi ku fi ñew da ngay wax olof wa France deng wala waaw voilà, maintenant, bon, je vais t'aider un peu. Donc, tu as réussi au BFM. Maintenant, tu vas faire une seconde l'année prochaine. Dans un mois, je dirais. Donc, quelles sont tes ambitions futures? Mes ambitions. Décrocher le bac après aller à l'université. Hein? Université, non. Ah, tu ne veux pas aller à l'université? Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais être infirmière. Infirmière. Docteur. Ah, d'accord. Après le bac, docteur. Donc tu dois aller à l'université. Faire 6 à 7 ans. Mais Junior, juste pour dire à Mademoiselle Sissoko que le docteur Signaté que les gens entendent souvent parler avec la Covid là, Boubacar Sissoko, Boubacar Signaté, il est né à Netebouli ici. Il est de Tamba. Il a fait toutes ses études à Tambacounda. il a réussi à son bac à Tamba, il a fait ses études à l'université, et aujourd'hui il est urgentiste pour dire que l'université du Sénégal ressort en général de grands docteurs. Hein. Signaté, il n'est jamais allé à l'extérieur. Tout ce qu'il a eu, il l'a eu au Sénégal ici. Et puis les Marocains, les Tunisiens, les Comoriens, tous ils viennent au Sénégal. Hein. Wow, ils viennent au Sénégal. L'université, c'est une autre découverte. C'est un autre monde pour vous dire. Il faut, même si c'est un an, il faut aller voir et revenir. Ça, je te conseille cela. Quand j'ai eu mon bac, mon bac, mon papa dans ma université. Non, même si tu es une année, tu es dame. Tu es une aduna. C'est ça. Voilà. Pour te mettre pour du fofu. Voilà. Donc, et puis, c'est formateur. C'est très formateur. Bah, donc, plus tard qu'hier, je suis en train de me dire. Jusque-là, vous avez dit que vous avez des gens. Parce que jusque-là, il y a les parents, il y a les professeurs, il y a les gens qui mettent les garde-fous. Mais après le bac, maintenant, tu es à l'université, donc il n'y a pas de papa, donc il y a une éducation, vraiment, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, il y a une bonne. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Je suis dit que vous avez des gens. C'est mon maître mot. Khalé. Si jang muna tok sama digu bop bi sama xarit lay do mais so jangul ñun xamantene man mom bo jangul mom waaw le verbe la preuve en est que même en NBA ni fa nek ni il faut être master da ngay jaar université obligatoirement pour jouer pour entrer dans ce cercle là. Voilà. Je prends le cas de Taco Fall bi nek Celtic Bolton. Il est master 4 ans mais voilà. Il est allé en France à 17 ans. 17 ans, New York, États-Unis. Il pleurait. Il a eu du joy. Parce qu'il ne voyait pas sa famille. Mais le gars imposait quoi. Les études, nous jang. Jang rek mo am solo. C'est vrai. Même lolu ñu ko imposé fi Sénégal pratiquement bo xolé même IGB bi ma jaar. Académie IGB c'est comme ça. Sport et khadim. J'ai un ami bo xamantene parce que rek lay def. Bon gars dañ koy xëccio mais malheureusement jang bi démé wul nonu. Légui nak il a fallu que mom ñi tek ko au second plan. Dañuy primer ñi nga xamantene priorité ñi nga xamantene ñom ñoy jang kat. Sport et études lañuy wax légui sport et études. Mohamed Diop mu ngi won na IGB bi ki may wax ni. Mohamed Diop international basket là, il est le roi du basket au Sénégal, meilleur basketteur au Sénégal. Mais Koku, il est docteur aujourd'hui en sociologie. Il a donné un cours pour ça. Voilà. À l'UGB, voilà. Donc, conseil vous réglez le jungle. Et puis, il y a un autre côté positif. Vous mangez au resto là-bas. C'est à manger, monsieur. Vous avez l'UGB, vous avez l'UGB, vous avez l'UGB, vous avez l'UGB, entretien, c'est côté communication. Wadineko, qu'est-ce qui t'a motivé pour que vous avez l'UGB? Vous avez l'UGB, vous avez l'UGB. Tarkala en tout cas bu ngeen defé 100% ci kër gi mom il faut ngeen alma ñaan bi sura bi mom mu di wax man hein Mohamed yow loy sentir yow lan ngay sentir présentement ni parce que Mohamed dama gis bi mu ñëw ba légui da ngay réy rek mo jitu ci studio bi di réy rek hein lan ngay sentir ak yow tamit aussi tamit lo bëgg doon bo magge loy wajal man de fierté lay sentir de témet sama pap. Moi, je veux inscrire ce concours lycée d'excellence. Je veux dire que je veux préparer. Je veux dire que Inch'Allah. Lycée d'excellence, oui. Vous êtes oui. En parlant pour dem fof. Oui. Soleil, yaay, soleil, papa, yo kessa nga nek fof. Oui. Waye parlant pour am lo bëgg. Lan nga bëgg nek bo magge? Su magge, soit ma nek prof de maths wala médecin. Wala médecin. Oui. Lan mo le motiver pour nga nek prof de maths? nous m'a motivé mon moi sama prof yi comme monsieur Kaba ñom ñoma jox ki bi ñom ñoma jox envie bi da envie ko mais c'est parce que notre père monsieur Bagedi nous a donné depuis la 4e et envie de faire la science. Machallah motax nga bëgg nek médecin quoi est-ce que lool xam nga né laaj na jang bu baax bu metti ak tamit sama benn tonton moom may togn di benne ay gouverneur waaw nga gouverneur loolu mo nek voilà mais boy légui yeen bu ngeen amé bfm rek di ngeen commencé xam nga di dem di setti fa grand lañ quoi xalé yi ndaw xalé yi jigéen yi fu ay jangal lañ ñoy la ma bokko ci lolu non c'est sûr jangal ñu lolu suñu famille sen famille a très bien lolu machallah machallah yow fatou yow loobu ko doon bo magge xamna tout sauf ay ki sportif yoy nonou parce que deug tout top boko nek gay lay gagne médecin la bëgg ah médecin ah xalé mom tamba mo xam en tout cas dañ doon wax da fay manké ay médecin yoy nonou xamna fi ak quelques années ba xalé yi mag def na dinañ fi am quelques médecins yu genn fi ni inshallah on est voilà yow après BFM bi lan moy sa ambition après BFM bi redoubler d'effort dal gëna jang réussir bac bi tamit en S2 bien sûr S2 ah kon S bi nga bëgg continuer série S inshallah après nga dem université wala yow bëgg dem université université mo sawaro les conseils de monsieur Gang ah c'est kin inshallah ah kon bo amé da nga dem gaay conseil inshallah voilà c'est important am nga dañ fa wax importance parce que xalé yu bari wo nañ ma ñu néma monsieur deuxième tour la guen ban conseil nga may jox ben c'est extrêmement important dem len ci professeur bi len jangalon mu gën leno conseil parce que mom ngeen nekkalon classe ma xawma lan moy sen fort ak ban note ngeen am et cetera donc élève bi dafa melni ñu ngi yewu non seulement ñu ngi yewu xam nga lool yépp moy montrer légui rapprochement bi am entre élèves yi ak ñi leen di jangal tout à fait donc nit ki aussi pour nga mën ko xam il faut nga jégé ko nga xam ko xam ni muy xalaté xam ni muy doxalé bu mën bo gisé ci point wala nga gis né mu ngi dévier sax même buy dévier té ko neub ding ko santé ding ko xam alors donc c'est extrêmement important alors donc bo xolé actuellement bu suba bo démé ci école les professeurs même ñi nga xamné dañu joggé ci village yi ñeu corriger ci fi ñi nga xamné joggé nañ fi dem ci ki bo xolé suba dañuy dajalé xalé ci salle de classe di dem ak ñom won len deuxième tour ni le épreuve di mel expliquer ak yoy non ko ak monsieur Diallo voilà très bien donc ci bac bi hein on l'a déjà commencé tay ce matin déjà il y a eu beaucoup de gosses de tay ça ñeu jang demain par exemple à 15 ans bougu là bas on a appelé beaucoup de professeurs de la commune n'est-ce pas kep ku meun nga ñeu jappalé war xalé yi renforcer len même ñi jall premier tour té nga xamné sé niveau bi taxaw na bu ñëwé jappalé sen camarade yi n'est-ce pas dans les sous groupes là etc dafa am importance parce que tay par exemple il m'arrive man ma bayyi xalé yi ñu régler sen problème ci sen bir parce que des fois nga expliquer ben affaire hein sen ben camarade jël sen propre langage ñom ci bir jël ki bi légui tek ko boy fils boko doone ni nangona bon dekk ko ni dekk mu ne wa comprendre na mais quel était l'objectif na xalé bi comprendre tout à fait wa na xalé bi comprendre n'est-ce pas très bien et que donc lolu mo don objectif bi mu comprendre n'est-ce pas et su ko comprendre bu suba du soxla ken boko joxe comme li nga don lañ tax tricher yi gis nga tricher so amé rek xalé bi da xalaat bu suba depp fi xol fu ne gisul dara mu ne legi xaar ma xaar ko ma jox n'est ce pas mais su gisé buntu bu ndaw da ko exploiter waaw da ko exploiter donc motax aussi c'est extrêmement important suba nañ djégué école yi rek té ñu dem def sen choix yi junior SVT PC ak langue LV2 dañ koy def choix legi da ngay tan ci ñett yoy ben français nak ak mathématiques c'est obligatoire c'est obligatoire amna ñu mom monsieur ñaata point momay manké amul point bu la manké dañuy défat compteur yi à zéro voilà, bon mais 80 waaw très bien da ngay gis ne sax xalé yi daw ñew laaj la lool légui fim ne li jallone premier tour jeexna dara déssatu fi dañuy recommencer à zéro n'est-ce pas légui buñuy recommencer à zéro n'est-ce pas alors ñetti matière ngay def français mathématiques ak SVT wala nga tan PC wala nga tan LV2 voilà yoy nak bo ci amé 80 rek baxna muñ défé sa total coefficient boy amé 80 jall nga du deug kon nga gor gorlu def na lool mo am solo han nga gor gorlu ñawé ko tok jang tey teud nelaw amna ci xalé yo xamné biñ néne da ngeen dem deuxième tour ba légui duñ nelaw bu baax té ko parents dañ ci war agir voilà il faut muy nelaw xalé bi bu sonné lu mu jang bu la woné ginaaw faté ko donc yow sax des fois ya koy né ñëwul teud topalu sieste dafa baax bu añé ba paré né sieste bala muy génn kër gi n'est ce pas bu guddé na télé teud fajar nga yéko mu sangu ba sét jël kayam jank c'est comme ça n'est ce pas donc c'est extrêmement important donc choix yi amna ci ño xamné centre yom def nañ ko amna ño xamné suba nañ leen jox rendez-vous kon bala ñuy dem di réviser ji nañu dem préciser sen choix bi nga xamné mom lañuy def bala ñuy dem ci révision yi mais je sais que école bo dem actuellement gaay ya ngi organiser wu pour dajalé xalé yi n'est-ce pas pour mën leen jappalé won leen épreuve second tour yi nu muy mel et c'est pas second tour dañuy xol ndax yow mokal nga sa leçon c'est-à-dire ay exercice d'application ngay am ak yoy donc yow le plus dur def nga ko feulé réfléchir nga utiliser nga sa xarañ te ba woné né wala pour problème bi mën na ko lever maintenant nak dañuy ñëw na xol ndax kay bi mokal nga ko ak yoy mom mo fay nek donc ce ne sera pas des choses très difficiles mais nak il faut ngeen jang il faut ngeen jang en tout cas sage conseil pour les élèves yi nga xamné ñoy jall deuxième tour second tour bi donc ñi ngi ci ciapandaw émission bi ñu téré la ci waxtu tout mo ci dess dañuy bay rek xalé yi premièrement ñom ñi tagato ba nopi waye nak amna ben élève bo xamné ma ngi koy wër ba tay élève bi ma envoyé tok mom nak ko dalay toy dama toy mo tax dafa yak ci sama directeur demb ni ma envoyé message néma monsieur j'ai réussi au bac non j'ai réussi au BFM premier dans la de la centre mon ma je remercie mon mère et ma père non quoi mais ma yeugnou junior waaw donc on est chercher Mohamed yow koy dédicacer BFM bi ma kay jox sama yaye très bien waaw ak sama papa ak prof yi ma jangal yep ma sha Allah surtout monsieur Bagheri, monsieur Kaba, monsieur Sow et yenen prof yi ma faté yep ak tamit sama prof élémentaire yep très bien yenn de se souvenir de ça monsieur Diédiou madame Baldé qui est la surveillante à Gouy monsieur Diaby oui oui je remercie à tout et j'espère que mes camarades qui sont au second tour vont passer inchallah je prie pour eux machallah merci beaucoup Mohamed voilà Mohamed Tine Fatou Diko 15 ans mugo koy dédicacer sa BFM bi sama yaye ak sama papa sama professeur monsieur Bagadi papa Bagadi ak monsieur Diallo ak wa CM 15 ans bu suñu principal bi monsieur Cissé donc yaa nañ koy may ñom ñep tarkar la alors Aminata c'est soxo à qui tu dédicaces ton ta réussite avec brio au BFM pareil pour aussi ma mère mon père et ma tante qui est à côté de moi ici et mes cousins et mes cousines et surtout mon papa monsieur Bagedi et monsieur Ba monsieur Kaba à toutes les professeurs ouais je peux pas rester tout je suis ravie de les rencontrer quand même. L'élève est souvent très très là. Elle a oublié les gens de Bakel. Je n'ai pas oublié. J'ai dit maman et papa. Je n'ai pas oublié à Bakel aussi. Ok. Alors là, on est content. Hein? Oui, on est très content. Ah. Voilà, maintenant, on va se donner rendez-vous quand est-ce. Tu vas prier pour les élèves qui font le second tour. Le second tour. Tu en as des amis là-bas? Oui, beaucoup. Et. J'ai confiance en eux quand même. J'ai confiance en eux et eux aussi, je les demande d'avoir confiance en eux aussi. Voilà, je sais qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. C'est pas trop difficile, je crois. Et Inch'Allah, ils vont réussir. Okay. La raison, c'est pour quand? La raison, c'est pour quand? Et puis aujourd'hui, c'est son anniversaire. Hein? Bon, ah voilà. On va faire l'émission dans quelques minutes. Donc, on va te souhaiter aujourd'hui. Ah oui. Bagedi, l'aide à côté. Oui, c'est un vrai. Gérim, Nyop, Gérim Tamba, Gérim aussi, c'est mes collègues professeurs. Gérim, c'est mes kilifs, les inspecteurs. Inspecteurs, ils ont été contents. Ils ont été contents de se liguer sur BFM, surtout sur la radio. Ils ont été vraiment. à chaque fois ses réactions conseils ngay jox xalé surtout parce que bi nga woyé xalé yi nek tésané nga woté ci radio bi né na xalé ñibi parce que c'est pas sûr mi ngi jëm guddi nañ ñibi déglu radio xalé yu bari dañu appliquer li nga wax donté amon nañ vraiment en bi tok donc lolu ñu lay ci jaajeufal bu baax lu sant yalla rek xam nga lolu yalla mo koy may monsieur bagui di jambu simple la rek munuma xawma yalla moy def barké peut-être lo tax xalé yi tay man dañuy sox des fois par rapport ak ñom mais nak comme limay wax rek sant yalla nañ dello yépp suñu borom di gëreum ñëpp di ñaanal xalé yi nga xamne ñu ngi def deuxième tour yalla may leen mu yomb ñom ñëpp ñu jallu waaw ñu may leen xel bi ak xalaat bi di sant wa alkuma hein vraiment kolé yu bari jaar nañ fi ci révision yi hein jappalé xalé yi bu baaxa baaxa ba c'est extrêmement important n'est-ce pas et té vraiment di ñaanal xalé yi nga xamné amuñu dégeul ñu am ko muy bac ak bfm nak voilà muy bac ak bfm vraiment de té mention spéciale nak waaw sama goro waaw madame tal hein fadine tal hein vraiment jappalé na mo bu baax hein mang koy sante diko gëreum diko ñaanal guddu fan ak wërgu yaram waaw ainsi que tous mes amis et tout le monde amna salam voilà sama dom nak duma ko faté Marianne dafa waron ñew gis nga ci ñor dinañ ma door fi waaw est ce que mo may envoyer sank bi légui message non Marianne Marianne ou mi c'est pas Gomis Bagidi sama dom waaw vous m'avez pas invité oui oui oui oui hein Marianne benen yoon mo wutal len Marianne chezam voilà sinon Je vous remercie. C'est quelqu'un qui a dit c'est comme Bounama Kanté, c'est des gens régionalistes. Ils ont dit que c'est un peu solo. Le plus grand, c'est un peu de faire avancer, de développer, c'est un peu de faire solo. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Parce que gis nañ taxawaay bi ngeen def surtout si bag BFM bien ça a été extraordinaire nga tok sa cœur gars journalistes di daw des trucs comme ça di lañ jox résultat en direct dafa bax dafa bax bi ngeen tenir compte aussi là ce contexte yi donc di len remercier encore di wax ni gars li may ñaaxal rek maay école Medina Koura mom kuma soxla mom man maay fofu suma né 9h maay fofu ba 1h tek sama barara 4h sama kay di inscrire donc loolu la amone di kini ba paré di wax ni ñi wara dem ya pa xam nga il faut réussir dans la dignité man tout temps loolu lay wax surtout pour un examen parce qu'il faut raconter parfois son histoire dafa baax aujourd'hui bo togué ba ben instant nga sama doom yi dé man bi may jang ni la don jangé ni la réussiré mais yo en âme et conscience que tu ne viens pas quitter avec ta conscience baxul té j'ai l'habitude de dire aussi dama né ñaar extrême la on apprend sérieusement on réussit on est quitte avec sa conscience mais on apprend aussi sérieusement on ne réussit pas ça c'est la volonté divine mais on toujours le fait il faut être quitte avec sa conscience tout à fait amna solo ou on n'apprend pas du tout on échoue, on est quitte aussi avec sa conscience. Mashallah. Il faut être solo dans la vie. Mais ni les gens qui dansent ou qui chantent ou qui font des trucs comme ça, c'est parce que réellement. On a une colère bas. Point d'interrogation. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Guido. Nous sommes très contents de vous faire. Je vous félicite aussi. Je vous félicite aussi. Je vous invite à vous faire également le programme de Soubou. Continuer à apprendre à la maison. Initiative de l'État du Sénégal. Sur Radio Alkuma FM, à partir de 16h, vous êtes avec Junior Ba toujours. Vous êtes là. Vous êtes là. Je vous félicite également que l'émission co-indicative dimanche, nous avons fait le bilan général pour l'examen. Nous avons fait l'inspecteur Wad Aguilène Kangam. Et bien sûr, sur nos consultants, monsieur Baguedi. Alors wax nañ ko légui dañuy clôturer en beauté temps bi jeexna Aminata Cissé Hotel anniversaire jëndal nako bousi ak gâteau attention bala mo la la ka wa mam jara à toi on va chanter joyeux anniversaire wa moti bala mo la la ka 1 2 3 joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Aminata, joyeux anniversaire. Message classique. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Face à la pandémie du coronavirus, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place l'initiative Apprendre à la maison pour assurer la continuité pédagogique. Aujourd'hui, le programme Apprendre à la maison, qui entre dans sa deuxième phase, est renforcé par l'utilisation de la radio afin d'atteindre tous les élèves. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale a signé un accord avec l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, l'URAC, pour la diffusion de leçons radiophoniques. Chers élèves, chers enseignants, chers parents, désormais, vous pouvez suivre les cours sur la radio communautaire la plus proche de votre localité. Ces émissions se dérouleront matin et soir.